Salut tout le monde, c'est Majo, bienvenue à la 64e émission des podcasts de VR for Player, et on va discuter autour d'un VR. C'est bon, niveau sourire, on est bien là. On a des sourires, pas se marrer. Non, c'était bien. Allez, c'est la rentrée, je fais toutes les rentrées. Je fais les rentrées des tests, je fais les rentrées des podcasts. Ce soir, c'est moi qui animerai cette émission. Et je ne serai pas seul puisque nous aurons Lolo. Salut Lolo. Salut tout le monde. Ça va? Oui, c'est la rentrée, donc on préférait être en vacances. Le sourire, on a dit Lolo, le sourire. Ah mais je le dis avec le sourire. Non, en fait, c'est même pas ça. C'est que vu l'actu actuelle, j'aimerais bien repartir avec une belle actu. Les gens veulent savoir. Parlons de choses concrètes et sérieuses. Est-ce que tu as bronzé? Oui, j'ai bien. Tu n'as pas pris de coup de soleil sur le crâne? Si. Ah, merde. J'ai bien pelé sur le crâne. C'est très beau. Et bien, comme vous l'avez entendu, notre troisième larron, eh bien, c'est Sei ce soir. Bonsoir Sei. Salut Majo, salut Laurent, salut tout le monde. Salut. Est-ce que tu as la forme? Toi aussi, t'as bronzé du crâne? La grosse patate. Alors moi, je suis blanc comme un cul, mais en fait, c'est génétique. Donc non, il y a pas de problème. Je suis toujours aussi blanc. J'essaie de prendre normal. Le soleil. Moi, si tu veux, je deviens rouge et je pèle direct. En fait, je bronze pas. Tu es un albinos. Exactement. C'est pour ça que je préfère encore rester sous le casque. Tu vois, comme ça, je me fais pas de mal. Et puis voilà, c'est très bien. Bon, en tout cas, bienvenue à vous. C'est la quatrième saison des podcasts. Yes. Donc qui l'eût cru? Ça avance. C'est vrai. Bon, écoute. C'est plutôt sympa, on rigole. Franchement, pour une émission où l'idée a débuté dans une soirée un petit peu arrosée sur un coup de tête, franchement, ça tient bien le coup, donc je suis plutôt content. Une pigeonnerie. Comme quoi, les idées les plus à l'arrache sont souvent les meilleures. Exactement, et c'est cool. Donc du coup, comme l'a dit Lolo, l'actu est pas folichonne en ce moment. Alors vous avez pu profiter sur le site des dossiers de l'été. Donc c'est les différents dossiers qu'on a balancés pendant l'année qui nous permettent de partir en vacances tranquille et qui vous redonnent un peu de contenu si jamais vous l'avez pas vu. Donc c'est toujours l'occasion de se remémorer ce qui s'est passé. Donc allez-y, ils sont toujours dispo si vous voulez y aller. Et puis on va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors on va pas commencer PSVR. On va commencer PCVR, mais peut-être PSVR, du coup, on ne sait jamais, avec le futur et la PS5. Pourquoi pas. Elle en sera capable, en tout cas, puisque Sei, tu vas nous parler de Half-Life Alyx. Et oui, un petit jeu dont on n'a pas trop entendu parler, effectivement, Half-Life Alyx. Parce que voilà, bon, moi j'ai... Le jeu favori de Canard PC, voilà. Mais de toute façon, ils adorent la VR, Canard PC. Donc, exactement. C'est vraiment des gros fans, ils y croient à fond. Parce qu'en fait j'ai passé 2 semaines de sevrage à pas avoir de casque sur la tête et j'en ai profité pour péter un plomb et de me prendre une nouvelle config PC et donc du coup j'ai réinstallé plein de trucs dessus pour voir comment ça tournait. Ça tourne super bien, je suis super content, et notamment Half-Life Alyx, et force est de constater que c'est toujours une sacrée baffe à chaque fois que tu mets le casque et que tu essayes ce jeu là Donc on dit merci aux tipeurs et aux abonnés pour avoir payé le nouveau PC de Sei. si seulement. Mais alors, franchement, je rigole bien entendu, que vous prenez pas ça pour argent comptant, c'est une vanne d'ailleurs. C'est pas vrai du tout. Oui, carrément. Ouais. Enfin, en tout cas, on peut pas le dire officiellement quoi. Alors oui, donc c'était l'occasion justement de remettre Half-Life Alyx. Alors c'est pas pour vous mettre le guac et dire ouais mais j'ai un PC, je joue en VR ce PC, c'est trop bien, nananer. Non, en fait. C'est vraiment juste pour remettre en avant, j'en avais déjà parlé il y a plusieurs, peut-être même un an, à la sortie du jeu, enfin quand le workshop d'Half-Life Alyx est sorti, mettre en avant justement cette initiative-là de Valve. Le workshop, c'est quoi? C'est en fait la possibilité dans Steam, sur certains jeux qui proposent des outils de développement sur les moteurs de certains jeux. De modding, exactement. Donc là, notamment, c'est Source 2. Donc de proposer aux joueurs qui sont vachement talentueux pour certains de pouvoir proposer des contenus, ça peut aller de la skin de l'arme, des trucs complètement foireux, ou alors carrément des maps scénarisées. Et là justement j'ai téléchargé pour à peu près je crois entre 7 et 8 gigas de maps sur Half-Life Alyx, dont certaines qui sont vraiment ultra bluffantes. Et ce que je disais dans l'équipe, c'est que pour moi, ça me fait vraiment penser aux Dreams d'Half-Life Alyx, ce truc-là. C'est qu'il y a plein de gens en fait, qui peuvent proposer n'importe quoi comme contenu, allonger la durée de vie qui est déjà pas mauvaise hein, sur Alpha Felix, qui se termine à peu près en 14h, 14-15h. Et tu peux allonger la sauce avec des créations qui sont vraiment, vraiment super bien foutues. Pour des trucs scénarisés, c'est impressionnant. C'est des DLC gratos, exactement. Fait maison, et c'est toujours sympa d'avoir du contenu en plus, surtout quand les devs officiels ne le font pas. C'est vrai que c'est toujours plaisant d'avoir des trucs comme ça, surtout pour un jeu aussi quali qu'Alix avec une physique de rêve. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est le top quoi. Parce que voilà, il y a beaucoup de développeurs, enfin de petits développeurs, de joueurs qui utilisent les assets du jeu, et t'en as d'autres qui vont vraiment carrément recréer des modèles, qui vont recréer des choses. Alors ça garde après toujours le gameplay d'Alpha Felix, donc qui aux petits oignons. Mais par exemple, t'as Return to Rapture, en fait, c'est un gars qui a refait BioShock dans Alix. D'accord. Alors c'est pas du 1 pour 1. Ouais, c'est génial. C'est pas du 1 pour 1, hein, c'est pas exactement la même chose. Seulement avec les outils justement proposés par le moteur Source 2, il a refait un truc sur l'ambiance du premier BioShock. Et c'est vraiment bluffant. Et t'as 8 cartes comme ça, scénarisées, avec des ennemis qui arrivent, des ambiances vraiment particulières. Mais c'est développé dans Alix ou c'est une application externe qui permet de faire ça? C'est développé dans Alix. C'est vraiment Donc il y a vraiment un moteur Alix et on peut vraiment faire ce qu'on veut dans le moteur d'Alix, si tu veux, c'est Source 2. Ça, c'est le moteur graphique d'Alix. Valve, ils ont mis à disposition aux joueurs ce qu'on appelle un SDK. Déjà Bethesda le faisait beaucoup avec Morrowind, avec les Elder Scrolls, et là c'est ce qu'ils font justement Valve. Ils l'ont déjà fait aussi depuis Alpha 1, hein, ce qui a donné Counter-Strike, Team Fortress, des gros classiques. Et donc là c'est la même chose sur Source 2. Et donc la majorité en tout cas des expériences que tu as sur Half-Life Alyx dans le workshop, tu as les mains d'Alyx, tu as la physique d'Alyx, tu as le gameplay d'Alix, donc ça reste du FPS, et ensuite les gens ils vont broder autour, il y en a qui vont te rajouter des sabres laser, il y en a qui vont te rajouter des armes que tu peux utiliser dans le jeu original, et t'en as d'autres carrément qui vont proposer des maps, des cartes scénarisées pour soit expliquer ce qui s'est passé avant le jeu, ce qui s'est passé après, ou des trucs qui ont absolument rien à voir, quoi. Il y en a qui ont refait GoldenEye. Après Lolo, t'emballes pas trop, hein, parce que même si Alix il sort sur PS5, ça en général ça sort pas sur console. Je crois qu'il y a que Skyrim qui l'a fait. Ouais. Il y a eu un petit mode workshop pour les versions console, mais en général ça n'existe pas. Et Fallout 4 Skyrim, oui, Fallout 4, oui, parce que je me rappelle, il y en a qui ont repris ce qu'on parlait, ils ont repris Negan en train de frapper sur tous les types en rond dans Fallout. Je l'avais vu ça. Ouais. Mais par contre, j'arrive pas à comprendre. Il faut de toute façon installer sur ton PC le moteur. Le moteur, tu l'as installé vu que tu as Half-Life Alyx. Et pour avoir le SDK, il faut avoir Alyx. Ouais, en fait, le SDK te débloque la version développeur de Alyx. C'est ça. Après, tu as un petit moteur comme par exemple Unreal Engine où tu vas avoir ton environnement pour pouvoir créer tes maps et puis faire un petit peu ce que tu veux. Hein. Au départ, en fait, tu as juste des carrés blancs, un espèce de gros cube avec des carrés blancs. Et puis ensuite, tu vas mettre... Tu vas mettre tes décors, tu vas mettre tes zones de collision, tu vas mettre ton personnage, tu vas faire popper tes ennemis dans quelques endroits de la carte, etc. Et puis après, tu mets un petit peu en scène et tu peaufines tout ça. Et tu te rends compte que c'est un travail colossal de la part des joueurs pour faire quelque chose vraiment qui se tient, quoi. Qui se tient et qui fait pas amateur. T'as beaucoup de cartes de merde, hein, où il y a des gens qui ont essayé des trucs, ils ont même pas tout décoré, et puis... ils s'en foutent, c'est juste des tests en fait, qui proposent quand même aux autres joueurs d'essayer, mais ça reste pas très intéressant. Mais t'en as certains, il y en a un, il s'appelle C17 Escape. En fait, tu t'échappes de Cité 17, t'as l'impression franchement que ça pourrait être un add-on d'Alix, hein, sans aucun problème, que tu pourrais payer. Hein. C'est super bien foutu, ça se termine en 2h30, donc c'est pas mauvais. Hein. Tu vois, Rapture, je voulais faire une vidéo dessus, donc j'ai juste essayé la première carte pour le moment, mais ça, c'est assez bluffant. J'ai déjà passé, je crois, une grosse demi-heure sur la première carte, et à mon avis, j'étais loin de l'avoir terminée. Et t'as 8 cartes comme ça différentes, donc t'as des grosses durées de vie pour des trucs vraiment qui sont chiadés, qui sont terminés, et qui sont vraiment bien foutus. Donc voilà, je voulais un petit peu mettre ça en avant, parce que, mine de rien, c'est... t'achètes ton jeu, je sais même plus à combien est-ce qu'il est en ce moment, il doit être à 40 balles ou un truc comme ça. En fait, t'as le jeu d'origine. Il y a rarement des promos sur ce jeu sur Steam. Quand même. Oh, si, de temps en temps quand même. Attends, je vais te dire exactement. Il est à. Oui, il est à 50 euros là. Ouais, parce qu'il est sorti il y a 2 ans. Il est sorti il y a 2 ans, ouais. Non, un an, il y a un an, il y a un an. Un an et quelques à peu près. Ouais, bon. Voilà. Un an et demi. Ouais, on va dire. Et puis du coup, bah voilà, t'as encore le workshop qui est en place pour rajouter la durée de vie du jeu et puis prolonger l'aventure, et c'est vraiment cool. En tout cas, moi je passe toutes mes soirées dessus en ce moment. Ok. Voilà. Et donc vivement qu'il tombe sur PS5, mais même si je pense pas qu'il y aura le workshop dessus. Non. J'avoue que ça serait quand même une bonne chose. Bon, ça restera un jeu de la gêne d'avant entre guillemets, mais qui a énormément d'avantages. Non, mais oui. Quand je dis de la gêne d'avant, parce qu'il aura quand même quelques antécédents, mais qui aura une grosse qualité de prod et qui était quand même précurseur à la base. Donc, et qui est magnifique. Ça sera une bonne pioche à coup sûr si ça sort. Et qui est vraiment magnifique. PS5. Moi, je sais que quand j'y joue, tu sais, maintenant, les échelles de résolution, justement, je les monte avec la config que j'ai maintenant pour que ce soit encore plus fin et plus net. Je peux te dire qu'il met encore la trique à beaucoup, beaucoup de jeux. Hein. Enfin, surtout maintenant, voilà, avec la mode du Quest 2, où tout est un petit peu revu vers le bas graphiquement. Quand tu remets Alix avec les graphismes à fond et puis l'échelle de résolution augmentée. Je crois pas qu'il y ait beaucoup mieux que Alix en VR. Si, il y a peut-être celui que tu disais là. Asgard, ouais. Ouais, il y a celui-là. Il y a Stormland aussi que j'ai réessayé, que j'ai remis. Celui-là, qui, oui, qui est vraiment très beau. Ouais. Mais tu vois, c'est des vieux jeux, quoi, mine de rien. Donc c'est pour ça, je pense que. Quand tu parles, Majo, de jeux de la génération précédente, quand tu les remets, tu fais waouh, ah ouais, d'accord. Ah mais quand je parle de ça, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque où Alix est sorti, le casque next-gen, en gros, c'était le Valve Index. Ouais. Il est sorti en même temps, donc quand je parle de gen, je parle surtout de ça. Mm. Mais après, le jeu en lui-même, non, ça reste un must-have. C'est reconnu 50 fois que le jeu il est au top, que ce soit en termes de gameplay, en termes de graphisme, en termes de feeling de jeu, hein, c'est dingue, hein. ce jeu là je pense qu'il a, et c'est pour ça que c'est vraiment une grosse réussite, hein. C'est le feeling du jeu que t'as dedans, la précision dans les contrôles et puis dans les armes, t'as l'impression qu'elles ont un poids, quoi, un petit peu même encore plus subtil que Saints and Sinners, ouais. Bon, par contre il n'y a pas de corps à corps, contrairement à Saints and Sinners, ça c'était vraiment son gros point fort. Alix n'en a pas. Et puis oui, aussi pourquoi je l'ai remis aussi, tout simplement parce que maintenant enfin on peut jouer assis. Donc si Spanx nous écoute, je sais que lui ça l'avait fait lâcher le jeu parce qu'il n'aime pas jouer debout, et puis je le comprends, moi ça me fait chier aussi. Donc maintenant à Half-Life Alyx tu peux y jouer assis, et ça c'est une sacrée révolution et c'est cool. Ok. Ouais, bon. en tout cas Alyx, moi je serais pas étonné de le voir débouler un jour ou l'autre, parce que on l'a dit plusieurs fois, mais de toute façon, là, on voit que Sony Studio, maintenant, ont leur page Steam. Ça sera un beau retour de manivelle que d'avoir quelques titres de Valve venir sur PSVR 2. On veut. Ok. Voilà. Bon, ben on va parler maintenant de... Merci okay, très bien. Cette intervention. On va parler maintenant de news, entre guillemets. Alors... c'est assez drôle parce que Lolo nous a fait un petit article sur le site pour parler justement d'une annonce du PSVR 2. Donc, qu'on pense qui sera pour 2021 selon les dires de Jim Ryan. Donc, il nous a fait un petit article aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui est tombée aussi la date du prochain showcase PlayStation. C'est ça. Donc, tu vas nous en parler, Lolo. Oui, c'était un petit résumé, parce que c'est vrai que comme on disait au début d'émission, en revenant de vacances, tu te dis, en fait, t'as pas les boules parce que tu rattaques, t'as plutôt les boules parce que l'actu est pas super belle et que tu te dis, putain, qu'est-ce qu'on va raconter, et du coup j'ai voulu faire une petite piqûre de rappel. C'est pour ça que j'ai, en plus avec le Covid et tout, je trouvais ça très drôle de mettre une petite piqûre en photo, et donc de rappeler un petit peu tout ce qui était, tout ce qu'on avait dit. Alors pendant le mois d'août, comme tu disais tout à l'heure, on a repris les articles de l'année, ce qui nous permet de partir en vacances et puis de lâcher un petit peu, de lever le pied un petit peu. Donc là on a revu tous les articles, et puis dans le lot, il y avait les informations officielles de Sony qui sont, on va dire, marqué dans le marbre parce que c'est Sony et parce que c'est eux qui ont parlé. Et puis il y a eu toutes ces rumeurs qui ont parlé d'écran OLED, de 4 caméras sur le PSVR 2, alors rumeur ou pas rumeur, hein, parce que c'est quand même, ça vient quand même de Upload VR, de contact d'Upload VR. Apparemment ça a l'air d'être assez... Ouais, il y a beaucoup de chances pour que ce soit... assez possible. Donc au final, j'ai voulu effacer tout ça, en fait, dans l'article, pour ne garder que ce qui était officiel, vraiment ce qui était officiel. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que y a une seule phrase qui est revenue, et qui c'est la seule d'ailleurs. Parce que, en fait, en regardant sur Internet, sur les réseaux sociaux, je me suis retrouvé dans la semaine... avoir des gens qui disaient « mais de toute façon, ils annonceront pas le PSVR 2 avant 2022, voire fin 2022 ». Donc on parlait d'annonce, pas de commercialisation. Et moi j'ai fait un bond, j'ai dit « mais non, Jim Ryan, il a pas dit ça, il a parlé de 2021 ». Donc du coup, je suis retourné. Oui, mais tu sais, les plans changent. Et ça peut changer, mais disons que là, c'est une communication officielle. Et la communication, elle est relativement claire. Donc il a parlé le 23 février 2021. Et donc je sais plus sur quel magazine d'ailleurs, c'était une interview, c'était sur GG Magazine en Angleterre, et donc il avait déclaré concernant, donc la question était donc la grande différence que vous avez mentionné là, c'est que le PSVR 2 aura un seul cordon que vous connecterez à votre PlayStation 5, et la réponse de Jim Ryan avait été, c'est une illustration très simple et visible d'une leçon que nous avons apprise lors du passage du système actuel au nouveau. Nous ne publions actuellement aucune spécification à ce stade, et la phrase importante, c'est cela commencera à arriver au cours de cette année lorsque nous parlerons davantage. Et c'est pas la première fois qu'il dit qu'il va reparler, parce qu'il y a eu d'autres interviews où justement il y avait une des interviews où il avait déjà commencé à dire que les dev kits du PSVR 2 étaient déjà partis. Et là encore, il avait redit la même chose, que dans cette année, on en saurait plus sur le PSVR 2. Donc déjà, cette phrase, pour moi, elle est ancrée. Alors bien sûr, on sait très bien que des mecs comme Jim Ryan ou Phil Spencer, je ne vais même pas en parler, bien souvent, ils se contredisent. T'es sûr ? Pas une petite crotte de nez à lui jeter un truc ? Salut, non, parce qu'il y en a des tonnes. On rigole, on l'adore, on l'aime bien, on lui fait un petit coucou, bien sûr, oui. Parce qu'il nous écoute. Si certains se rappellent de nos articles au moment de la sortie de la PS5, on avait un petit peu mauvaise, parce que justement Jim Ryan avait dit que personne ne devrait être déçu, et puis au final on était super déçus, parce que la PS5 à cette époque là il n'y avait pas de VR. Donc là on avait été un petit peu plus tendu au niveau de nos articles, parce qu'on disait mais qu'est-ce qu'il nous raconte, on va pas être déçu, mais on est mis sur le bas côté, personne ne parle de VR et tout ça. Et au final il n'avait pas menti non plus, parce que la PS5, maintenant on sait qu'elle sera VR, ready. Alors là, il ne manquerait plus qu'ils nous disent qu'ils arrêtent la VR, parce que alors là, ça serait la cata. Non mais arrête. Garde-moi cette hype là qui monte. J'y crois plus à ça. J'y crois plus du tout à ça, justement. Maintenant, je suis convaincu... Ah, les plans changent. Non, je déconne. je suis convaincu que Sony vont mettre le paquet, en fait. Il y a trop de choses pour qu'il y ait... Puis de toute façon, les contrôleurs sont sortis, donc maintenant on sait qu'il y aura quelque chose, c'est obligé. Voilà, la base, c'est ça, c'est qu'on sait qu'ils vont reparler du PSVR 2. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire de plus ? Reparler, ça ne veut pas dire nous le montrer en design. Moi, j'espère qu'ils montrent le design, j'espère qu'ils nous montrent la fiche technique, j'espère qu'ils nous disent que c'est un écran OLED, ça sera peut-être un écran LCD, on ne sait pas. J'espère que ce ne sera pas du Pentil, que ce sera bien du RGB au niveau de la dalle. Après, il y a eu quoi d'autre comme rumeur ? On a su aussi qu'il y aurait peut-être des moteurs haptiques intégrés dans le casque. Est-ce que ce sera bien vrai ? Est-ce qu'il y aura de l'eye tracking ? Est-ce que les moteurs haptiques qui seraient censés lutter contre le motion sickness, éventuellement, et qui pourrait aussi, ce qu'on avait dit, pouvait peut-être rajouter des petites, quand il y a du vent par exemple, de sentir un petit tremblement au niveau de la tête, ou même des impacts, je sais pas dans quelle mesure. Quand tu prends une balle dans la tête, ouais, ça va être sympa. Coup de fusée à pompe. Ouais, non, mais imagine un Resident Evil 7 où il y a une bestiole qui commence à te chuter. Carrément. Ton casque peut trembler quand tu commences à avoir peur, par exemple. Le 8, j'ai l'impression qu'il fait moins peur que le 7. Donc, bref, ouais. Imagine un monstre dans le noir qui vient commencer à chuchoter à l'oreille, et en même temps, tu as un tout petit une petite vibration sur le visage au moment où il te parle. Comme s'il était à côté de toi, en fait. Mais là, tu te chies dessus, tu meurs, quoi. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui sont pas vraiment officielles, qui sortent toutes de fuites. Alors il y a eu plusieurs fuites, hein, il y en a eu plein, mais en général, c'est des gens qui sont plutôt bien informés et qui ont des bons contacts dans l'industrie. Donc voilà, on sait qu'il a dit qu'il allait en reparler en 2021. C'est sûr que avant Noël, si ça se trouve, il va nous dire, je vous montre la couleur, mais je vous montre pas le truc, ou il peut nous refaire le coup de montrer le logo. comme il avait fait pour la PS5, et puis il n'y a rien d'autre qui suit en 2021. Mais en tout cas, on sait qu'on aura des nouvelles. Alors maintenant, ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, il y a eu cette histoire de TGS, de Tokyo Game Show. Alors, Sony... Et ça, c'est formidable, quand même. Bah, ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on assiste à un tournant. Mais c'est là où... C'est pas forcément un tournant, parce que la situation de Sony en ce moment, elle est un peu spéciale. Alors, dans la mesure, c'est que Sony, on l'attendait pour l'E3, il n'était pas à l'E3. Mais ça, l'année passée, il n'y était pas non plus. Et puis, on sait qu'il n'y a pas que Sony qui ne sont pas à l'E3. On sait que les salons, en ce moment, avec le Covid, ils commencent à tirer la langue. Et qu'il y a mais de ils plus sont au Tokyo Game Show, les autres. Oui, bah justement. Oui, mais attends. j'ai une réponse aussi. Donc, ils étaient pas à Gamescom non plus, Sony. Et ils n'étaient pas non plus, ils ne seront pas non plus au Tokyo Game Show. Et s'il y a Paris Games Week, ils n'y seront pas non plus, à mon avis. Donc en gros, cette année, ils ont tiré un trait sur tous les salons, ils n'y seront pas. Point. Est-ce qu'on peut dire que ça peut continuer comme ça ou pas? J'en sais rien. Pas forcément, parce que... Pour PlayStation, bien sûr. Pas pour les autres. Mais... Non, alors déjà, le Tokyo Game Show, ce qui est choquant, c'est que c'est quand même un salon japonais. C'est quand même le salon japonais le plus connu au monde. Et ne pas voir Sony là, ça peut être. On a tous pensé à ça. On a dit quoi ? Il n'y a pas Sony au Tokyo Game Show. C'est un truc qui frappe, quoi. Tu dis, c'est pas possible. Surtout qu'en plus, vu qu'il y a le Covid et que de toute façon, ce sera une édition numérique, le Tokyo Game Show, cette année, il lance en parallèle le Tokyo Game Show VR. Sur lequel, si on a un casque de réalité virtuelle, on pourra visiter quelques stands, une quinzaine de stands qui seront sur le salon. Mais tu te promèneras dans le salon, tu pourras vraiment te balader et puis aller voir, tu pourras visiter toutes les showcases, les machins, les trucs, tu les verras en VR. La question, alors c'est de la VR en 3D ou c'est de la vidéo 360 dispo casque VR ? Très bonne question. Pour l'instant, je ne crois pas avoir vu de streaming 3D 360 degrés. Je ne serais pas étonné que ça sorte, donc je ne serais pas étonné que ce soit une innovation de la part de Facebook. Alors l'organisateur, ce n'est pas Facebook, c'est un opérateur téléphone, je ne sais plus comment il s'appelle, je l'ai marqué quelque part, je ne me rappelle plus. Pour moi, ça va être certainement, alors ce sera peut-être de la VR de 180 degrés en 3D ou 360, mais de la 360 3D, ça me paraît un peu bizarre. Ouais, un truc un petit peu encore le cul entre deux chaises quand même. Hein, parce que... Je pense. Ouais, Par contre... Il va falloir un début de chacal quand même pour. Voilà, c'est ça. C'est que dans tous les cas, il ne faut pas rêver. C'est très bien, on en parle, c'est joli. Mais ils annoncent déjà 20 mégabits seconde en débit. Ça me fait étrangement penser aux 20 mégabits de Stadia, surtout pour de la VR. Donc, soit ton image, elle sera compressée de la mort, tu auras des carrés partout. Soit il va te falloir, à mon avis, ceux qui n'ont pas la fibre, ils n'auront pas une image qui sera sensationnelle dans leur casque. Surtout qu'un Quest 2 se rapproche de la 4K. C'est déjà des casques qui ont une sacrée résolution. Là-dessus, c'est sûr que si tu fais du streaming en 1080p dans un Quest, ça risque de ne pas être très très joli. Voilà. Par contre, au niveau de la technologie, moi, ce qui est intéressant, c'est que les casques, déjà... Alors, les ordinateurs, il faudra soit un PC, soit un Mac. Et les casques, ce sera un Oculus Quest 1, un Oculus Quest 2, un Rift S ou un HTC Vive. Et donc, ce qui choque tout de suite, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pas de PSVR, pas de PS4, pas de PS4 Pro, pas de PS5. Mais en même temps, vu que Sony n'est pas présent à l'événement, ça paraît un peu normal. Autre chose, il y a Facebook et Microsoft qui seront bien présents sur le salon. Par contre, leurs stands ne seront pas visitables en VR. C'est étonnant pour Facebook. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va être ajouté. En tout cas, il ne fait pas partie de la liste. Dans les stands visitables, il y en aura que je ne connais pas du tout. eSport, ITV, Kodokawa. Par contre, il y aura Konami, il y aura Survios, il y aura Square Enix, il y aura Sega, il y aura Bandai, il y aura Mighty Rest. Donc, il y en a d'autres, mais les autres ne sont pas trop connus. Il y a même le ministère de l'Environnement du Japon qu'on peut visiter aussi. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un stand Facebook, vu que justement on peut y accéder avec le Quest. Alors c'est peut-être quelque chose qui va se mettre en place. Hein. L'événement va démarrer le 30 septembre. J'ai lu pas mal de critiques de gens qui disaient y a Microsoft et Facebook qui font le déplacement au Japon alors que Sony, qui sont japonais, ils sont même pas foutus d'être sur le salon. Facebook, ils ont pas de marché au Japon. Et Microsoft, ils n'arrivent pas à percer forcément super bien. Microsoft, ils n'arrivent pas à percer, seulement ils sont en train de beaucoup communiquer justement sur l'avancée du marché au Japon. Et puis ils se disent, forcément quand tu pars de rien, tu es obligé d'avoir une progression vraiment énorme et assez spectaculaire. Donc je pense que leur communication est en train de changer vis-à-vis du Japon. Et justement, ils profitent, et c'est très malin, du fait que Sony s'américanise de plus en plus pour eux se japoniser de plus en plus. Et c'est un très très bon coup à jouer ça. Alors moi je suis pas tout à fait, enfin je suis d'accord à moitié, je suis d'accord sur le fait que c'est un bon coup à jouer pour eux, parce que de toute façon jusqu'à présent Microsoft n'avait pas forcément la belle image de marque au Japon, et ils peuvent la gagner maintenant en étant présents et tout ça, donc là-dessus c'est clair que c'est une très bonne stratégie pour eux. Par contre côté Sony, à mon avis Sony ils sont déjà bien assez dans la merde au niveau de leur PS5 qu'ils n'arrivent pas à fournir. S'ils commencent à faire de la pub sur des stands, ils vont faire que augmenter la demande et ils vont être encore plus emmerdés pour la livrer. En parlant de ça, j'ai vu qu'il y avait sur Twitter des PS5 dispo en retrait une heure à la Fnac. Alors je pense que c'est la oui, Fnac région parisienne. Je crois que c'est fini. Bah oui, ça dure 10 minutes ça. C'était cet après-midi. Alors tiens, tant qu'on y pense, il y a un super site sur Twitter pour ceux qui cherchent des PS5. J'essaierai de mettre le lien sur le Discord où justement dès qu'il y a quelque chose quelque part, en fait, ils tweetent quelque chose. Donc t'es averti en temps réel. Je me rappelle plus du nom. D'accord. Je le mettrai dans Discord comme ça. Merci, j'essaierai de le mettre un peu partout. Je ferai peut-être un article sur le sujet. Il fait exprès pour donner envie aux gens de venir sur le Discord. Ce qu'on va faire, vous allez continuer à débattre. Moi, je vais vite vous le trouver. Voilà. Hop. Attendez. Très bien. De toute façon, je pense qu'on a tout dit sur ce showcase. Alors, il sera. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Il sera exclusivement donc du coup. PS5 avec des jeux standards en plat, du coup pas de VR, ils ont été très clairs et du coup par contre c'est bon parce qu'on va avoir un événement vraisemblablement purement dédié au PlayStation VR 2 où on n'aura que ça, et donc ça ne concernera que les entre guillemets fans PlayStation VR et les curieux qui voudront voir ce que donne la VR Next Gen chez PlayStation. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Alors c'est une mauvaise nouvelle qu'on ait passé le 9 septembre, mais ça reste une bonne nouvelle que ça soit un événement dédié, puisque encore une fois, on verra que ça et seront concernés du coup les principaux intéressés. C'est marrant ça, parce que justement, enfin excuse-moi Majo, mais c'est un truc que je disais au tout premier ou deuxième State of Play qu'on avait suivi, dont on avait parlé sur le podcast, où je disais aux gars. Ça serait bien quand même que Sony fasse plutôt que se prendre une volée de bois vert dès qu'il parle du PSVR et dès qu'il parle de VR, qu'il fasse justement un State of Play spécial pour la VR et puis un spécial pour le plat. Et on m'avait répondu ouais, mais non, mais du coup ça va scinder le marché en deux, déjà que justement, il est déjà scindé le marché. Il est déjà scindé. Exactement, c'était avant qu'il soit scindé. Maintenant mais tu qu'il vois, l'est, écoute. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il. La vie a fait son affaire, quoi. Alors, du coup, est-ce que ça aurait pas été plus malin, justement, de le faire dès le départ? Parce que, de toute façon, ceux qui veulent uniquement du plat, ils vont pas s'intéresser forcément à la VR. Je pense qu'ils savaient pas trop sur quel pied danser non plus au départ. Et puis, la communauté étant pas énorme, s'ils attendaient des retours monstrueux en ne faisant qu'un événement dédié à la VR, et c'est un peu ce qui s'est passé avec ce premier State of Play où on savait pas que ça allait être centré VR et que du coup, il y avait plus de VR que de plat, où ça s'était mal passé. State of Play du 25 mars. Et 2020, non ? 2019. 25 mars 2019. 2019, putain, Et là, il s'était fait assassiner en fait. Exactement. Donc du coup, je pense que ça aussi, ça a un peu mis, de nouvelles idées dans leur formule de communication à adopter. Et puis aujourd'hui, on sait qu'il y a des fans, des pro PSVR, il y en a un paquet, des pro VR tout court, il y en a un paquet. Certainement pas autant que tu vas avoir de joueurs plats, on va dire traditionnels, ce qu'on a toujours connu avant la VR. Mais ça monte, quoi, voilà. Crescendo. Certainement pas autant de pros qui sont contre la VR aussi. Ou qui ne la connaissent pas. Ouais, ça c'est encore autre chose. Oui, si tu veux revenir sur Canard PC, je reste persuadé que des gens qui argumentent encore en parlant de Skyrim et Fallout 4 ans après la sortie de la VR, je pense qu'il y a un moment non, où mais faut passer à autre c'est chose. Des crédibilité. C'est même pas ça, c'est des joueurs PS4 ou PS5 qui jouent depuis toujours en plat. qui ont jamais eu, ils ont lu des trucs, ils ont vu, mais ils ont jamais vraiment testé, ou ils l'ont testé rapidement et puis ça s'est mal passé parce que l'expérience n'était pas forcément terrible, ou parce qu'ils ont fait Escombat. Ils ont une idée reçue, ouais, voilà, par exemple, ça peut Escombat quand tu es un peu fragile, ben, Wipeout. ça peut te secouer, et qui ont une idée reçue de la VR et qui et ces gens-là en fait. Faut pas oublier que nous, on poirote depuis un petit moment parce qu'on attend des news sur le PSVR 2, on attend des nouveaux jeux, on attend des choses depuis un moment. Mais là, vu que Sony n'a pas communiqué à l'E3, n'a pas communiqué à la Gamescom, ne va certainement pas communiquer au Tokyo Game Show ni à la Paris Games Week, au final, en fait, cette année, ça a été vraiment une année incroyablement calme pour Sony. Ils ont quasiment rien dit. Pas que pour Sony, hein. Ça a été une année incroyablement calme pour tous les gros. Et, oui, oui. Et 2021, ça a été dit un peu partout et c'est vrai, c'est l'année des indés, quoi. Disons que les joueurs, ils attendent maintenant quelque chose parce qu'ils se sont payés une PS5. Ils commencent à avoir les crocs, ils commencent à être bien remontés. Et imagine, tu leur balances un showcase aujourd'hui de 40 minutes avec 20 minutes de VR dedans, mais ils vont se faire défoncer. Parce que oui, le type il attend pas ça. Le type il veut en savoir plus sur God of War, il veut de nouvelles licences. Ça serait tellement bien. Ça serait tellement bien pourtant pour nous. Bah, c'est sûr, et c'est là où je trouve ce que tu disais, que c'est finalement la chose la plus intelligente, c'est justement de dissocier la VR et d'autant plus que je revenais aussi sur les brevets, parce que ça fait pas mal de temps que je vous parle des brevets. Sony, ils ont un nombre incalculable de brevets qui sont prévus pour du concert en VR, pour des salles de spectacle en VR. Le dernier en date, il y avait quand même carrément un petit icône de Jim Ryan qui était sur scène avec une avancée sur le public, et tous les gens dans le public pouvaient voir Jim Ryan comme si c'était une superstar. Ah, la chance. Donc, et puis ils sont aussi en train de travailler sur... Ça, c'est de l'application. Ah, c'est clair, ça donne envie. Eh bien, disons que quand on parle du Tokyo Game Show en VR, je pense que Sony, ça serait pas impossible qu'il balance un truc, un showcase VR juste pour le PSVR 2, où les gens qui ont déjà un PSVR pourraient assister à ce showcase avec leur casque. Avec 20 mégabits seconde. Ah oui, bah bien sûr. Alors dans tous les cas, faut arrêter de rêver. Si vous avez pas la fibre, c'est même pas la peine. Et j'ai pas la fibre, donc c'est même pas la peine. Alors tu vois, par contre, ce qui pourrait être intéressant, si jamais ce genre d'événement est, comment dirais-je, réel. Ça serait de pouvoir le télécharger en suivant et le regarder directement depuis ta console pour ceux qui ne peuvent pas faire ça avec un accès internet. C'est clair. Donc, c'est sûr que ça, par contre, ça, c'est un truc qui n'existait pas sur YouTube, et j'avais pas mal braillé quand il y avait YouTube VR qui marchait encore, parce qu'aujourd'hui, je crois que même sur la PS5, tu n'as plus accès, il me semble. Si, je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Et c'est vrai j'ai n'importe quoi. Oui, je sais pas, faudrait que je regarde. Sur YouTube VR, c'est pareil, quoi. Tu regardais en streaming et tu n'avais pas la possibilité de télécharger la. Ouais, mais le débit était fou. Comme tous les applicatifs qu'il y a eu sur PlayStation en VR pour regarder des vidéos 360 degrés. Enfin, c'était horrible, je veux dire, ça pixelisait au taquet. Ah ben, c'était pas beau. C'est clair. Alors que quand tu chopes un truc en 4K, parce que bon, ton image est sphérique, donc ton image 4K mise à plat, quand tu téléchargeais un truc en 4K 60 fps, tu avais quelque chose de relativement correct dans le PSVR. C'était pas super beau, mais c'était correct. Mais déjà, il faut télécharger un fichier de 10 minutes en 4K. c'est toujours voilà. Mieux que. Donc, disons que tu vas le lancer avant de te coucher. Pas pouvoir le faire du tout, quoi, au final. S'il y en a qui veulent, c'est possible. Et c'est toujours mieux que de rien avoir du tout. Je parle de ce principe-là. Voilà. Et tu vois, tu parlais des concerts tout à l'heure, mais c'est pareil. Les concerts, si tu peux pas les vivre en live, les concerts sur DVD, salut les boomers, tu peux les acheter si tu veux. Tu avais ton heure et demie de concert, oui. tu vivais mais, ton mais live. C'est très, mais ce serait parfait. Ce serait et parfait. Ça, je pense que ça pourrait être un plus d'avoir un concert en VR et que tu puisses acheter, comme tu peux acheter un DVD ou un Blu-ray. Surtout que je sais pas si vous avez regardé la carte de la 5G, ça commence à avancer sur le territoire quand même. Donc il y a de plus en plus de territoires où tu as accès à la 5G. Les téléphones de dernière génération vont arriver dans les foyers. Même ceux qui ne seront pas fibrés, ils pourront s'en servir d'antenne sur leurs ordi pour avoir une connexion meilleure que 20 mégas. Donc il n'est pas impossible dans les 3-4 ans à venir que même les gens qui sont au fin fond du trou du cul de l'Ardèche, hein, parce que je suis en Ardèche, vont peut-être pouvoir se connecter avec un téléphone en 5G, un téléphone récent, je parle, parce qu'ils ne sont pas tous compatibles. Je vois que la carte 5G, elle est en train de, elle avance à une vitesse de dingue, et ce n'est pas impossible que dans 2-3 ans, en plus avec la PS5 qui est en Wi-Fi 6, donc tu pourras avoir un bon débit aussi, même en Wi-Fi, en passant par ton téléphone, en te servant du partage de connexion de ton téléphone, tu pourras très bien assister à ce genre de truc et avoir 50 mégas ou 60 mégas en 5G quoi. Donc c'est quelque chose. Et payer ton abonnement 400 euros par mois, bien sûr. Pour 200 gigas de téléchargement. Pour possible. 200 gigas de données. Voilà. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais bien sûr, c'est pas ce prix-là. C'est, mais bon, c'est exagéré, mais. C'est bon. Toujours pareil. Tu prends les forfaits à l'époque où Internet est arrivé, on t'a vendu de l'illimité quand t'étais sur la 3G, t'es passé sur la 4G, on t'a fait réduire les débits que tu pouvais avoir, t'étais plus vraiment sur du limité. T'avais Internet, mais en débit réduit au-delà d'un certain nombre de données. Mais non, après, mais ça, non, ça a mais un non, peu non, été le. Mais si, si, mais... c'était comme ça. Après, ça a été un peu levé là, sur la fin de la 4G. La 5G, elle arrive. Et encore, tu vois, même la 4G, je regardais les abonnements 4G Box. Ouais. Le plus intéressant au final ça reste Bouygues. Enfin, j'ai pas été chez Orange. Le plus intéressant ça reste Bouygues parce que non mais écoute parce que en fait tu as des FAI qui pour des clés 3G pour des clés 4G pardon te fournissent un débit mais limité. Même pour une box 4G que tu as à la maison pour faire de l'internet commun de tous les jours. Et après t'as 4G plus. T'es limité à 200 gigas. C'est ça. Ouais, mais de 4G plus tu joues pas. Ou t'es, enfin c'est ultra restreint quoi. Et SFR c'est 200 gigas mensuels. Ouais mais pas si t'as une box SFR. Ah si si pour une clé 4G. Alors bon alors moi je te parle de mon cas parce que je suis ni chez donc SFR c'est pour ni ça, chez, je dis, ni faut, chez faut, sur faut Bouygues. Aussi faire attention avec ce qui va être proposé avec la 5G. Il faut pas penser que ça va être moi, la révolution dès le départ quoi. Enfin, que ça va être perso disons que perso j'ai une Freebox. Vu que tu as ta Freebox, en fait, j'ai aussi mon téléphone chez Free. Du coup, j'ai la 5G illimitée et c'est le même prix que quand j'avais. En fait, le forfait, il a migré automatiquement. En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai pas le téléphone. Mais mon prix a pas bougé et je suis passé en 5G illimitée. D'accord. Bon, donc c'est là, bien, maintenant, voilà. Vu comme ça, c'est bien. Bah, je suis toujours à 9,99€ par mois. J'ai ma 5G illimitée, j'ai mes appels illimités, mes SMS illimités. Et en fait, mon forfait, j'ai touché à rien. C'est l'autre fois que je regarde mon forfait et je dis putain, ces bandes de vicelards, ils m'ont changé mon forfait. Et là, j'ai dit putain, ils m'ont passé en 5G illimité. Mais en fait, tous ceux qui étaient à l'ancien forfait sont passés en 5G illimité. Alors après, je suppose qu'il doit y avoir des nuances entre Orange, Bouygues, mais je ne les connais pas, donc il faudrait pouvoir les comparer. Et puis c'est peut-être pas notre rôle de les comparer. Mais moi, ce que je sais maintenant, c'est que maintenant que j'ai mon forfait 5G qui est activé, je me dis, il faut peut-être que je change mon téléphone pour avoir la 5G à la maison. Ouais, est-ce que tu l'as aussi? Est-ce que tu fais partie Et justement, c'est de là. Tu c'est t'es ça que bien je parle de ça. Sony. C'est parce que du coup, j'ai regardé la carte et c'est là que je me suis rendu compte que la 5G avançait beaucoup plus vite que la fibre en fait, et que la carte de France, elle était déjà bien couverte. Bon, il y a plein de zones. En fait, la carte de France, elle est clairsemée de plein de petits trous où il n'y a pas la 5G. Mais à la vitesse où ça avance, à mon avis, il va pas falloir très longtemps pour rattraper la couverture de la 4G. Bon, en tout cas, ça sera d'une grande aide pour, voilà, bon, pour le développement du streaming en VR et pas que, d'ailleurs. Et puis, ben, ça arrivera bientôt. Et du porno. Et du porno, bien sûr. Voilà, bien sûr, la base. Puisque, oui, pardon, vas-y, Lolo. Il y avait juste un petit, dernier petit truc, moi, qui m'a quand même turlupiné. Pourquoi ils ont appelé PlayStation Showcase? Pourquoi pas State of Play. Pourquoi c'est pas un State of Play avec que des jeux? Je sais pas, peut-être. Là, ça me turlupine. Parce que ça fait 2 ans que ça existe le State of Play et que peut-être qu'ils ont envie de changer un petit peu de paradigme, plus justement avec l'arrivée de la PS5. Bah, le dernier showcase, c'était pour la console, non? Pour la PS5? Ouais. Donc, moi, ma théorie là-dessus, c'est que si. Le problème, c'est qu'en fait, ils sont en train de te dire que ça va être principalement une présentation des jeux PS5, un communiqué sur le futur de la PS5 et sur les jeux PS5. Et cette phrase, elle est importante sur le futur de la PS5, où là, à mon avis, vu que c'est un showcase, donc une vitrine technologique de PlayStation, ce n'est pas un State of Play où ils vont montrer juste des jeux, des trailers de jeux les uns à la suite des autres. Un showcase, c'est quand même quelque chose où il va y avoir des prises de parole de Jim Ryan. Et de la technique. Il va y avoir il peut y avoir de la technique, de la vitrine. Alors, ça peut être une vitrine physique avec un objet. Donc c'est pour ça je dis n'importe quoi, mais un objet ça peut être n'importe quoi. Si c'était Apple, ben, imaginons que Sony nous balance un téléphone PlayStation, parce que ça fait très longtemps qu'ils n'arrêtent pas de parler de téléphonie quand même, Sony, et qu'ils veulent rapprocher PlayStation des mobiles. Donc pourquoi pas, ça peut être une nouvelle PS Vita. Comme Xperia Ben exactement. Ou Sony Ericsson. Un Xperia qui aurait un nom PlayStation. Et qui aurait son propre store avec des jeux mobiles PlayStation, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais c'est un showcase, c'est pas un State of Play, donc ce serait pas étonnant. Alors, qu'il y ait une surprise au milieu. Est-ce que vous avez vu Monsieur Yoshida tweeter récemment sur de la bouffe, justement le fait, oui, entre autres, ouais. entre deux assiettes de ramen toujours. Justement, il était en train de jouer à je ne sais plus quel jeu sur son mobile. Et ça fait 2-3 fois qu'il tweet des trucs là-dessus. Alors, je ne sais pas si ça peut avoir un lien de cause à effet, mais bon. En tout cas, niveau mobile, le PDG de Sony, il n'arrête pas. Donc, l'autre Yoshida. Bah après, en général, ils en sortent un tous les ans. Je crois que le dernier, c'est le Xperia Mark III. Et il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas vraiment de lien entre PlayStation et... Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas... C'est pas non plus un truc où ils communiquent énormément dessus, quoi. Enfin, ils en font pas, bah non, ils mettent non, pas ça en avant, quoi. L'Xperia, c'est marrant, mais ils arrivent pas à percer face à Samsung et Apple. Donc, PlayStation, ça reste quand même une marque forte. Ils sont qualis, hein, les téléphones. Ils sont surtout qualitatifs au niveau des appareils photo, mais après, ça reste la batterie qui est hyper light. Enfin, bon, bref, là, on digresse, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Mais donc, dans l'idée, showcase, c'est là-dessus. C'est le seul truc qui m'a vraiment fait tilter. C'est pourquoi est-ce un showcase? Quand j'étais monté à La Défense pour voir le showcase à Paris en 2017, ils nous avaient présenté tout le truc de sortie du PSVR. On avait vu le casque. En fait, c'était un showcase. Un showcase, c'est la vitrine technologique de Sony où ils nous montrent éventuellement des hardware. Donc, je parlais aussi d'une deuxième, une nouvelle PS Vita. Pourquoi pas ? C'est complètement con parce qu'ils ont arrêté. Mais en fait, les temps ont changé entre 2015-2016 et aujourd'hui. Maintenant, il y a la Steam Deck. Maintenant, il y a ce qui va faire le tout, ça va être le cloud. Donc, les petits appareils avec des écrans incorporés, c'est pour ça que je parlais des téléphones ou éventuellement d'un téléphone qui ferait console ou d'une console portable, ça peut être intéressant parce que via le cloud, dans 4 ou 5 ans, via la 5G, maintenant on peut récupérer des jeux comme la Steam Deck, des jeux de PS5 et puis les faire tourner directement sur ton téléphone, pourquoi pas. Donc, c'est tout ce côté. Et puis, il y a le côté hardware, ou alors ce serait carrément autre chose, il n'y aura pas du tout de hardware, et si ça se trouve, ce serait carrément un showcase où ils vont présenter des services. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi pas mal de fonctionnalités qui avaient été annoncées dans la PS5 qui n'étaient pas encore dispo et qui avaient dit que ça viendra, on les mettra à jour et tout ça? Est-ce que ça ne serait pas aussi l'occasion d'en reparler? Ils ont énormément travaillé et insisté sur l'intelligence artificielle également, sur les logiciels Sony, et là pour l'instant on n'a vraiment pas vu ce que ça pouvait donner en game. Ils vont peut-être faire 10 minutes ou 5 minutes de présentation de quelque chose comme ça, d'un software ou de quelque chose de l'intelligence artificielle sur le futur des jeux de la PS5, nous en montrer, pas forcément nous montrer que des jeux, mais nous montrer aussi ce qui nous attend et que la PS5 a peut-être encore quelques secrets. Je comprends pas, parce que comme c'est présenté, ils te balancent, ouais, on va vous montrer des jeux. Donc pour moi, c'est un State of Play. C'est pas peut-être les premières applications de l'Unreal Engine 5. De Lieu 5. Exactement. Exactement. Et je me suis concentré, j'ai pas réussi. Exactement, parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont partenaires avec Epic Games. Et oui, c'est ça. Et ça aussi, ils peuvent le mettre. On revient sur Valve qui a sorti la Steam Deck. Epic Games et Valve, ils vont peut-être essayer de faire quelque chose avec Sony, pourquoi pas, pour contrer ça. Et puis il y a autre chose. Valve, c'est Gabe Newell. Oui. Ouais, mais il aime pas trop PlayStation. Fin... Ah non, il a toujours été Xbox à fond. Enfin, il s'en cache pas. T'emballe pas, Lolo, t'emballe pas. Non, mais Epic Sony, ils sont avec Epic, ils sont pas avec Valve. Non, mais tu disais aussi, tu parlais de la Steam Deck. Steam Deck, c'est Valve. Donc, Oui, non, mais je veux dire, ça doit quand même piquer un petit peu Epic Games qu'ils aient sorti la Steam Deck. Ah oui, d'accord. Donc, vu qu'Epic Games, ils ont quand même reçu 450 millions de dollars de Sony dans les deux années, là, ils sont quand même en partenariat avec Sony. C'est pas complètement dingue de dire qu'ils pourraient réagir en sortant quelque chose. Pourquoi pas, par exemple, le PlayStation Now qui déboulerait sur l'Epic Games et pas sur Valve voilà, des services, des trucs improbables qui pourraient être annoncés à Showcase. Je parle pas de Game Pass, je parle d'un nouveau truc qui pourrait arriver. En tout cas, affaire à suivre. Ben ça, voilà. Et ça sera jeudi prochain. Ouais, ça sera jeudi prochain à 22h, donc en direct sur la bonne plateforme habituelle, YouTube. Et puis ben, on sera là et puis on fera un petit compte rendu en fonction de ce qu'il y aura d'intéressant à voir. Ok, très bien. Donc du coup, on va revenir sur toi, Sei, parce qu'on t'entend pas beaucoup. Là, t'es caché au fin fond de ta grotte là, parce qu'on sait que t'es pas trop soleil, tu veux pas trop sortir. Et je vais quand même te faire sortir de ta grotte, puisque tu es, on va dire, l'un des plus actifs de l'été quand même du groupe. Tu as testé pas mal de jeux et là, tu vas nous parler donc de Blair Witch dans sa version PSVR. Ah, on commence par Blair Witch. Ok, ça marche. Donc oui, il y a Blair Witch qui est sorti. Blair Witch, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de Bluebird Team. Alors Bluebird Team, on en parle quand même assez souvent parce que mine de rien, on aime bien ce qu'ils font. Et puis ils ont fait donc Layers of Fear, donc en VR, avec le succès qu'on connaît, quoi, pour tous ceux qui ont essayé ce jeu-là sur PSVR, c'est pas... Est-ce que c'est pas celui qui a été très mal porté de la version PC, la version PSVR ? C'est celui qui avait des murs en papier ? Ah non, c'est pas ça, c'est oui. Horror, moi j'ai rien à voir. Non, celui où t'avais des bugs de texture, des murs qui se barraient et tout ça, non ? Oui, c'est ça, ouais. Oui, des gros glitchs, je pense qu'ils sont réparés depuis, hein. J'espère en tout cas. J'ai pas mis la main dessus. Oui, il me semble que j'ai vu qu'il y avait un patch qui était tombé pour améliorer les graphismes. Disons qu'il est sorti un petit peu cassé. Il est sorti un petit peu flou, pas du tout optimisé PS4 Pro. Et c'était vraiment dommageable pour un jeu qui, je le répète, est un gros chef-d'œuvre, quoi. Layers of Fear. Donc ils ont fait aussi Observer. Ils ont fait le moyen The Medium, qui était exclu Xbox One et qui va sortir, il me semble, sur PS5 dans quelques semaines. Oui, The Medium, oui, bientôt. Voilà, mais bon, qui restera moyen, quoi, parce que c'est un jeu très old school, bref. Et donc, oui, ils avaient sorti il y a un an et demi, je crois, à peu près, ou deux ans, Blair Witch, donc de la fameuse licence de film, le projet Blair Witch, pour lequel il y a eu trois films. Et donc, voilà, ils ont sorti ce jeu à licence, ce qui sent un petit peu la commande, qui reprend un petit peu tout ce que Bluebird Team sait faire, c'est-à-dire visuellement c'est torturé, visuellement ça essaye de perdre un petit peu le joueur. C'est un jeu d'aventure FPS où tu vas pas tirer un seul coup de feu, hein, ça c'est clair et net, mais tout vraiment est mis dans l'ambiance et dans la progression du joueur. Et puis plus t'avances, plus t'en apprends sur le scénario. Voilà, c'est du Bluebird Team pur et dur, classique, il n'y a vraiment pas de surprise à ce niveau-là. Donc pour le moment, voilà, le test, je ne l'ai pas encore commencé parce que je l'ai fait sur PC, le jeu. Il a été exclusif sur Quest 2 pendant, et sur Quest il me semble aussi, pendant quelques mois. Il était sorti uniquement sur cette plateforme-là et du coup bah, j'attendais la sortie sur PC pour pouvoir y jeter un coup d'œil. Donc ça sort en même temps sur PC et sur PSVR. C'est sorti le 12 août, en tout cas sur PC, je crois que sur PSVR c'était la même chose, à 24,99€, 30€ sur Oculus, et c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Moi j'étais un petit peu déçu en fait. Je sais pas, la licence Blair Witch, vous connaissez un petit peu, vous avez vu les films ou pas? Je connais la série, mais bon, après voilà, parce qu'après il me semble que les deux autres c'est de la daube, hein. Ouais, le premier, c'est moi, pour moi c'était vraiment la claque, hein, quand je l'ai découvert à l'époque. Je crois que c'était en 95, il me semble, si je dis pas de conneries. Et le deuxième, c'était un film un peu plus con. Et puis alors, le troisième, je l'ai vu, j'en ai absolument aucun souvenir, celui qui est sorti il y a 2-3 ans là. Donc voilà, c'est des films d'ambiance, c'est des films sur la perte, c'est des films sur des malédictions, c'est des films sur... Enfin, surtout le premier en tout cas, parce que les autres n'existent pas, on va dire. C'est des films sur... Enfin, c'est un film sur... Sur des choses qui sont un petit peu inexplicables. Et le problème, c'est que Blair Witch, le jeu, passe son temps à expliquer tout ton personnage, il va être complètement décortiqué, les PNJ vont être complètement décortiqués, l'histoire, les choses qu'il vit, ça va être complètement décortiqué. Et donc du coup, bah, ça enlève tout le mystère. Et si t'enlèves le mystère, malheureusement, t'enlèves la peur, quoi. Une fois que tu arrives à mettre une explication sur ce que tu vois et sur ce que tu fais, bah, finalement, bah, bah, t'as plus vraiment la peur de l'inconnu, et c'est un petit peu ce que j'ai regretté dans ce Blair Witch. Donc ça, c'est un truc en fait qu'on peut aussi reprocher au jeu plat, parce que le jeu aussi au départ était sorti en plat, donc ensuite il est sorti sur Quest en VR, et maintenant il sort dans de bonnes conditions optimum sur PC, et aussi il me semble sur PSVR, qui à part la résolution a quand même des graphismes qui sont vraiment, vraiment pas mal quoi. Alors le premier constat aussi dans ce jeu là, c'est que en tout cas au début il est vraiment très beau, et ça me rassure. J'en avais déjà discuté quand on avait regardé les premières vidéos sur Quest 2, avec les arbres qui pop à 3 mètres, ça me faisait très très peur, et j'avais peur surtout qu'on tombe sur une version Quest sur PC et sur PSVR, et a priori... Ou Switch. Une version... il est aussi sorti sur Switch en plat, et c'est vrai qu'apparemment c'est pas folichon. Et bah franchement, non, il est vraiment très très beau sur PC. J'ai jamais vu, c'est simple, j'ai jamais vu une forêt aussi belle en VR. Clairement. Voilà. Ah ouais, c'est même intéressant parce que... Même celle de Robinson n'est pas mieux. Ah, Robinson, franchement, a été belle. Parlons sérieusement. On parle de vrais jeux, quoi. Je veux dire, voilà, on est en 2021. Non, franchement, au niveau des éclairages, de l'ambiance, des lumières, des couleurs et des détails, quoi, finalement, la forêt, enfin, celle du et départ. Surtout que c'est gourmand, une forêt. Et c'est gourmand, ouais. Toi, ça bouge, t'as des effets de lumière qui passent comme ça à travers les branches, qui sont vraiment magnifiques. Après, tu sens que c'est pas du procédural, enfin, ou du temps réel, si tu veux. C'est pas non plus une image fixe qui est au loin, tout est modélisé, il n'y a pas de problème. Mais tu sens que le soleil va pas bouger, tu vois, pour changer un petit peu les rayons. Tu vois, ils ont vraiment peaufiné justement la vision que tu avais de la forêt pour que ce soit le plus joli possible, et ça passe vraiment très très bien. Tu peux regarder par terre il y a beaucoup de détails, c'est très très fin et ça passe vraiment bien. Et deux jours, et ça j'insiste là-dessus, parce que des fois... Tu l'as terminé ? Je l'ai fini, ouais. Je l'ai terminé. Niveau durée de vie ? Attends, je termine déjà sur les graphismes. Pardon. donc voilà, donc c'est pour ça, vraiment très très belle forêt de jour, et de nuit aussi c'est pareil, ça fonctionne très bien, forcément c'est beaucoup moins gourmand. Et t'as vraiment une sensation d'oppression. Pas de peur, mais d'oppression et de perte un petit peu dans le jeu qui fonctionne plutôt pas trop mal. Avec ta petite lampe torche en fait qui te permettra justement d'essayer de retrouver ton chemin et puis de buter les quelques ennemis que tu auras, quoi. Et ça aussi, au niveau du bestiaire, c'est pas folichon par contre. Ça fait pas peur, c'est même un petit peu ridicule sur les bords. Et ça, je montrerai ça dans le test que je ferai vidéo. Tu te fais poursuivre par des bottes de paille. Ça fait pas peur, une botte de paille. Enfin, je sais pas ce que... ça dépend si elle est un peu humanisée. Ah non, du tout. C'est une botte de paille. En fait, t'as des tas de feuilles, en fait, et puis t'as des espèces de rouleaux de paille comme ça qui te courent après. Ah, c'est le vent, quoi. Voilà. Bah, je sais pas. J'ai pas peur du vent, donc voilà. Et le problème, c'est que ça met dans la mise en scène, ça met beaucoup l'accent sur la peur du personnage, le fait qu'il soit paniqué, qu'il ait en plus des problèmes psychologiques que tu vois arriver à 15 000 bornes. Et du coup, ça fait pas peur. Au niveau du scénario, le truc est super convenu, quoi. Comme je disais, en fait, tout est surexpliqué. Mais dès la première heure de jeu, tu sais exactement quel est ton personnage, les problèmes qu'il a eu, les problèmes qu'il a et comment ça va se terminer. Tu le sais direct, t'as aucune surprise. C'est vraiment du classique au possible et c'est vraiment dommage, quoi. Tout le côté mystérieux justement de Blair Witch, tu le retrouves pas. Le non-dit, les choses que tu ne sais pas, bah là non, ça t'est tout exposé à la gueule. Pour le terminer, j'ai mis 4h30. Voilà, donc il n'est pas très long. Quel prix ? Je ne m'attendais pas à plus. 30 euros ? Ouais, il est à 25 euros sur PC, sur Steam. Je crois que c'est 30 euros, ça va être 30 euros sur PSVR. Ouais, probablement, comme sur Oculus. Franchement, ça, c'est pas ce qui m'a choqué, parce que j'y retournerai, je pense, parce qu'il y a des petits trucs que j'ai dû passer à côté. Parce que t'as des collectibles évidemment, des documents, des machins, et donc la progression se fait avec une petite caméra vidéo en fait, où tu récupères des cassettes à droite à gauche, et en regardant ces cassettes, en fait tu vois des événements qui se sont passés près des lieux où tu les as trouvés. Et en rembobinant les cassettes, en fait tu vas pouvoir remonter le temps. Par exemple, tu vas voir un objet que tu ne vois pas quand tu arrives dans un certain endroit, quand tu rembobines la cassette, et ben tu vas voir que l'objet est à côté d'une bûche ou un truc comme ça. Et quand tu rembobines et que tu arrives à ce moment-là de la cassette, tu arrêtes ta cassette et puis tu regardes à côté de la bûche et tu vois l'objet et tu récupères. Et ça te permet, c'est des petits triggers en fait qui vont te permettre d'avancer dans l'histoire. Et donc ça c'est plutôt bien foutu. Ouais, j'avoue. Et c'est assez intéressant. Et qu'est-ce que t'as d'autre d'assez notable? Il n'y avait pas un chien aussi toujours avec toi? Le chien, merci, effectivement, parce que autant tu peux ne pas avoir du tout d'empathie pour ton personnage principal, celui que tu incarnes, qui s'appelle Elise, qui est inintéressant et bateau au possible, autant il y a un truc qui se crée avec le chien. Le chien, il s'appelle Boulette. C'est un chien policier qui est super intelligent, bien dressé, super gentil. Et franchement, ce chien, dans le jeu, c'est ton phare dans la nuit. C'est-à-dire que sans lui, tu te sens perdu. Il t'aide pour trouver des objets, il t'aide pour trouver ton chemin. Il est toujours là à côté de toi à se gratouiller. Il t'aide à pas flipper. Il t'aide à pas flipper. Et ton personnage, d'ailleurs, quand il est séparé du chien, il se met à paniquer et à avoir des trucs bizarres. Et donc, franchement, une des plus grosses réussites du jeu, pour moi, c'est vraiment ce chien, où il y a un lien qui se crée avec lui au fur et à mesure de l'aventure. T'as pas envie qu'il lui arrive une merde en fait au chien. T'as vraiment beaucoup d'empathie pour le clébard et du coup ça fonctionne vraiment bien. Bonne phase de gameplay pour le coup de l'avoir rajouté. Parce que ouais, c'est assez rare les jeux où t'as un compagnon avec toi en permanence et qui en plus interagit dans le gameplay. Et qui interagit dans le gameplay et surtout que t'as pas envie de buter au bout d'une heure quoi. Parce que t'as le jeu de The Last Guardian où t'avais Trico justement qui te suivait, l'espèce de grosse bestiole géante. Au bout d'un moment, ok, elle était réaliste, mais au bout d'un moment, t'avais envie de la prendre et de la balancer dans le fossé, quoi. Avait son petit caractère, quoi. Ah, son caractère, super chiant. T'avais Canigou dans les Fallout, pareil. Au bout d'un moment, Canigou, t'en peux plus, quoi. Il fait n'importe quoi. Moi, je l'ai jamais gardé. Voilà, bah, moi non plus. Tu veux dire que tu abandonnes des animaux domestiques Non, je l'ai mis dans une maison, il a fait sa vie. Enfin, il était au campement, quoi, tu sais, il avait d'autres amis. Ouais, d'accord, il était tout sec et après il avait plus de croquettes. Exactement. C'est pas joli, joli. Non, mais là vraiment il y a un truc qui se passe avec Boulette et donc vraiment chapeau, c'est vraiment la grosse réussite du jeu en fait, justement. Boulette, si tu nous écoutes. Voilà, Boulette. Ça va le bonjour, c'est... on le connaît bien, c'est un ami. et voilà quoi. Et puis donc la fin, je spoil pas, mais en gros, si vous avez aimé le premier film, vous allez avoir des clins d'œil, des gros clins d'œil appuyés, un petit peu longuets, mais quand même sympa à découvrir. Et voilà quoi. C'est un petit jeu sympatoche. Peut-être que... Donc tu le conseilles pour le coup, mine de rien, 25 euros, 5 heures, bon, tu le conseilles quand même. Ouais, mais. C'est dommage, ils ont pas compris l'essence de Blair Witch en fait. C'est ça qui est dommage, c'est ça qui m'emmerde en fait dans ce jeu là. Pareil, t'as des phases aussi quand t'es dans la forêt où tu tournes en rond, c'est typique Bluebird Team justement. Et Layers of Fear faisait pas mal ça. Ou si tu avances toujours dans le même sens, et bah tu reviens toujours sur tes pas. Et normalement, dans Layers of Fear, tu vois, tu voyais pas les transitions. Et bah dans ce jeu là, tu les vois vraiment les transitions et elles sont vraiment sales. Hein. Et ça aussi, je le montrerai dans la vidéo. C'est vraiment dégueulasse. Il n'est pas suffisamment peaufiné, je ne l'ai pas essayé en plat, je ne sais pas s'il y avait les mêmes problèmes sur la version plate, mais il n'est pas suffisamment peaufiné, c'est vraiment dommage. Je pense qu'au niveau de l'écriture, ils sont un petit peu tombés dans la facilité, et dans le grand spectacle, c'était un petit peu ce qui était reproché aussi au troisième film, qui en montrait trop, quoi, et qui laissait pas suffisamment de mystère, et qui enlevait un petit peu tout l'intérêt, tout le principe de la licence. Donc voilà, c'est... Pour moi, un acte manqué. Peut-être que j'attendais trop de ce jeu-là parce que j'aime bien Blair Witch, surtout le premier. Et du coup, sympatoche. Moyenne pioche, quoi. Moyenne pioche. Moyenne plus quand même, parce qu'il est quand même joli, il est quand même sympa. Je me suis pas ennuyé dessus, sauf un petit peu vers la fin, mais dommage. Il manque un petit truc. Ça sent le 6,5, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est, okay. D'ailleurs, je pense carrément ça. Du coup, d'autres trucs à dire sur Blair Witch, non? On est bon. Non, baladez-vous en forêt, la nuit c'est cool. Ok, bon, bah, merci mon petit Sei. Pour le coup, ça va être mon tour. Parce que j'ai un peu travaillé aussi pendant mes vacances. Moi, je me suis occupé de Fract. Et donc, Fract, grosse annonce au mois d'avril, je crois, 2021. Ça avait un peu surpris tout le monde. J'avais trouvé ça, j'avais trouvé ça assez moyen quand j'avais vu le trailer. J'avais dit, bon, les graphismes sont assez simples. Et puis, ils nous ont sorti la démo début juillet, je crois, ou début août, que j'ai essayé, que j'ai trouvé formidable. Franchement, super dynamique et tout. Vraiment très plaisante à jouer. Alors ça durait à peu près une demi-heure, la démo était pas timée, mais en fait à partir du moment où on arrivait à un certain stade, donc dans le chapitre 2, puisque la démo prenait le chapitre 1 et le chapitre 2, à partir du moment où on arrivait à un certain stade du chapitre 2, et d'ailleurs spoiler, c'est la fin du chapitre 2, c'est pas vraiment, enfin c'est pas toute la fin du chapitre 2, mais bon, genre il reste 5 minutes à faire. Et la démo s'arrêtait, donc en fait on avait quand même le temps de bien se balader, de regarder les environnements, tout ça. Ils avaient été assez généreux là-dessus. Et ce que j'en avais retenu, j'en avais discuté avec d'autres, c'était les graphismes qui étaient quand même propres mais très aliasés. Et que ce soit de près ou de loin, et surtout que c'était le jeu complet, si tu veux, qui t'était donné, mais tu n'avais accès justement qu'à ces deux premiers chapitres. Et en fait, le jeu était composé de 8 chapitres. Et quand tu voyais qu'en une demi-heure, tu en avais déjà fait 2, on était un peu inquiet sur la durée de vie. Et puis, à juste titre, hein, puisque le jeu, comme je l'ai annoncé, alors mon test est dispo donc sur le site et sur la chaîne de VR4Player. Et donc à juste titre, puisque le jeu ne fait pas plus de 3 heures dans un premier rush. Ouch. Donc quand tu connais pas tout ça, alors je crois que la mission, le chapitre 1 et le chapitre 2, du coup, ayant fait la démo, connaissant un peu tout ce qu'il y avait à faire, je crois que je l'ai fait en moins de 20 minutes. Ouais, t'as un peu rushé le début. Il est proposé à combien? Alors il était en promo, en précommande, il était à 22€ pour la version standard et 25 pour la deluxe. Ouais. La deluxe comprenait des skins pour les armes, tes mains, enfin tes gants et tes skis. L'OST pardon, en version numérique, putain j'ai bugué là. J'ai planté. L'OST en version numérique, donc qui est vraiment cool, franchement j'ai vraiment adoré la musique de ce jeu. C'était très très bonne musique d'ambiance. Et puis je crois que c'était tout. Non, et un artbook. Et un artbook numérique aussi. Et puis maintenant il est à 24,99€ pour la version standard et 29,99€, donc 30€ pour la version deluxe. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Le jeu est court, ça, il n'y a pas photo. Mais comme je dis, il est court parce qu'il est bien, pour le coup, parce que tu as des jeux qui sont courts mais qui peuvent te paraître longs parce qu'ils sont chiants. Là, c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, je l'ai vraiment pas perçu comme ça. Je l'ai fait d'une traite, hein, donc bon, forcément, 3 heures de jeu, j'ai pas fait 12 sessions pour le terminer. Je l'ai fait d'une traite, j'ai pas eu envie de m'arrêter. Et j'aurais bien aimé que ça continue d'ailleurs, parce que c'est vraiment hyper fun et hyper intuitif en fait. C'est pas un jeu qui se prend trop la tête avec du craft, avec du gameplay ultra recherché et perfectionné. C'est plus un bon défouloir. Il était beaucoup comparé à Blood & Truth, parce que je crois que même les devs d'Endreams avaient dit qu'ils voulaient faire un Blood & Truth mais avec des déplacements libres. Finalement il a rien à voir avec Blood & Truth, puisque hormis l'aspect entre guillemets rail shooter, puisque je me répète c'est des déplacements libres, mais hormis ça il a rien à voir avec Blood & Truth. T'as pas d'aspect personnalisation d'armes, t'as pas de... Ça reste un jeu de tir grand spectacle en fait, et c'est ça. Exactement, un petit peu, voilà. Alors j'en ai parlé un peu, enfin je l'ai un peu qualifié de film interactif, c'est un peu péjoratif, mais c'est un peu ça si tu veux. C'était vraiment t'es James Bond, tu vas sur un site pour enquêter, en général au bout d'un moment James Bond c'est un agent secret, mais c'est l'agent le moins discret du monde au final, puisque ça explose toujours de partout, et c'est un peu ça en fait. Tu vas vivre un peu l'enquête sur un lieu ou un événement, je dirais de un peu comme dans un James Bond, et c'est ça qui est super plaisant. Et se rajoute à ça, en fait ce dont je parle, c'est des défauts en fait, mais qui arrivent à se transformer en qualité. Donc je parlais des armes et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'armes, parce que tu en as que 5 au total, et 2 en fait que tu as tout le temps avec toi et que tu peux changer. Donc tu as un semi-automatique, un pistolet semi-automatique et un espèce de MP5 pardon, donc un fusil mitrailleur quoi, un pistolet mitrailleur, et en fait tu n'as que ça en permanence avec toi, tu ne peux switcher qu'avec ces deux armes, et tu as d'autres armes qui sont disséminées un peu partout sur les maps. que tu peux récupérer au fur et à mesure, mais qui ont un nombre limité de balles, et une fois que t'as plus de balles, bah, elle disparaît. Tu peux pas la garder, récupérer des munitions par terre, etc. Elle disparaît. Il faudra que t'en retrouves une autre ou autre. Et donc t'as un espèce de lance-roquette qui fait plus office de lance-fusée qui va exploser, mais qui est un peu similaire au lance-fusée que t'as au départ là, dans le tout début du jeu. Un Colt, un genre de Colt à 6 coups, et avec un barillet et un fusil à pompe. Et puis c'est tout. Et en fait, tu n'as pareil qu'une seule arme dans la main à la fois. Tu peux pas avoir de doubles armes. Donc c'est pareil. On faisait le parallèle avec Blood & Truth. Blood & Truth, t'as une arme dans chaque main. Tu peux avoir ce que tu veux. Enfin, deux fusils d'assaut, deux pistolets mitrailleurs, deux pistolets normaux. Enfin, t'as plus de choix là-dessus. Mais en fait, ce que n'a pas Blood & Truth du coup avec son déplacement sur rail et que possède par contre Fract, c'est cet aspect de couverture avec la grippée déplacée. Et ça, franchement, c'est super naturel parce qu'en fait, quand tu vas t'approcher d'une caisse ou d'un mur que tu te mets accroupi, t'as toujours l'instinct de poser ta main pour, on va dire, pour garder un équilibre ou te redresser en justement. Voilà, et t'aider à te relever. Et en fait, c'est ce mouvement-là qui est présent dans Fract et qui est super bien retranscrit du coup. Assez naturel. Alors je pensais que tu pouvais t'accrocher sur toutes les parois, mais non, en fait les murs tu peux pas, ça va être sur les angles, uniquement sur les angles. Donc par exemple une caisse en bois, tu vas pouvoir t'accrocher sur l'angle devant toi pour te décaler sur la droite, ou sur celui du dessus pour te lever et te rebaisser, et en fait tout est fait comme ça. Et du coup le plus important au final au départ du jeu, c'est de bien choisir sa main, on va dire la plus forte, celle avec laquelle tu vas le plus te servir de ton arme et ta main secondaire, je dirais, pour t'agripper et te planquer. Et en fait tout le gameplay du jeu en gros il va être fait là-dessus, et toute l'immersion du jeu elle est faite là-dessus. Et c'est ça qui est cool, et c'est pour ça que c'est aussi dommage que ça soit aussi court, parce que l'aventure elle est tellement naturelle et fluide. Moi je l'ai trouvé comme ça, et simple. Simple mais pas simpliste. Exactement. C'est simple mais efficace. Voilà, c'est simple mais pas simpliste. Ouais, bien vu. Et du coup c'est vraiment ça qui est plaisant dans ce jeu, quoi. Voilà. Alors après graphiquement, ils ont mis un filtre anti-aliasing là, par rapport à la démo. Et puis le jeu, il est propre, quoi. Enfin, c'est du cel shading. Le cel shading, on sait que ça marche bien en VR. Alors il n'y a pas énormément de personnages. C'est sûr que t'as pas de vie. Enfin, je veux dire, c'est très rare quand t'as c'est pas Hitman, quoi. T'as pas des foules de personnages qui sont affichés à l'écran. Ça reste très simpliste dans les textures aussi, mais ça. Ça a cet effet en fait un peu aquarelle, tu sais, dessin animé avec des couleurs un peu baveuses, mais qui sont entre guillemets artistiques. Enfin, je sais pas si tu vois ce que moi, je veux dire. Ça m'a fait beaucoup penser sur la vidéo que j'ai vue que tu as fait sur la chaîne. Ça m'a fait instantanément penser à 13. Alors moi je le compare plus à Borderlands. C'est ce que j'ai vu, ouais. Il est un peu plus récent, et puis les environnements au départ, je sais pas si le reste du jeu est comme ça, mais enfin bref, ça se passe dans la neige, donc forcément tu fais aussi un peu le rapprochement avec ça. Alors autant j'ai pas vu Borderlands, mais autant vraiment le côté espionnage, le côté sbire que tu dois défourailler, et puis vraiment le cel shading pur et dur, vraiment 13 à 100%, quoi. Ouais, c'était un des premiers jeux aussi à l'époque à sortir en cel shading, c'est pour ça que peut-être tu fais le parallèle avec ça, mais oui. Du coup, c'est vraiment, je te dis, c'est propre, c'est net, il n'y a pas de flou, c'est toujours fluide, il n'y a pas de ralentissement, pas de chute de framerate, pas de bug particulier. Alors, tu as quelques bugs de collision, je l'ai mis aussi dans mon test, où tu as des caisses quand tu fais les descentes à ski, tu as des caisses qui rebondissent un peu n'importe comment. Ouais, c'est le moteur physique, quoi. J'ai vu Herbie, là, l'autre jour, qui a tenté de le faire en mode difficile, du coup, et pareil, il a eu un bug en fait, où à un moment tu montes dans des espèces de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des espèces de containers, en gros, tu sais, où tu as le minerai qui monte, tu sais, qui est creusé, qui monte, ça tourne en rond, enfin, une carotteuse. À un moment, cette plateforme doit s'arrêter et te laisser descendre, si tu veux, et en fait là, elle s'est pas arrêtée, du coup, ça a fait qu'il est arrivé jusqu'en haut, tombé dans le vide, et après le jeu il a planté du coup, parce qu'il ne pouvait plus rien faire, quoi. Donc voilà, il y a 2-3 bugs comme ça, moi j'en ai pas eu, visiblement ça arrive à certains, j'allais complètement occulter ça, mais les descentes à ski, c'est un pur bonheur, quoi. Alors c'est un peu compliqué parfois de tirer et de gérer la descente en même temps, parce que tu inclines juste ta tête à droite et à gauche pour tourner, et c'est vrai que des fois, si t'inclines un peu trop, tu vas limite faire demi-tour. Enfin, tu vas t'arrêter, quoi. Et, Mais par contre, c'est vraiment génial. Enfin, franchement, même dans la démo, j'avais trouvé ça formidable. La descente à ski, c'est incroyable. Et dans la démo, tu n'as que la descente, tu n'as pas l'aspect shoot en même temps. Mais alors, c'est vrai que quand tu dois tirer, regarder à droite, à gauche, te déplacer, skier, ouais, éviter ça les arbres, quoi. Récupérer les munitions et tout. Non, non, c'est pas que ça devient compliqué, c'est que ça devient vraiment cool. Ah. C'est un peu compliqué, oui, je t'ai dit, parce que les déplacements se font pas toujours hyper simplement, mais la majeure partie du temps, ça se passe très bien. Et puis franchement, c'est ultra cool, quoi. Enfin, la sensation sur les skis, entre la hauteur, quand tu jumps et tout, c'est vraiment hyper bien, quoi. Alors, il conseille, Endreams conseille de le faire assis pour éviter les problèmes. Moi, perso, je l'ai fait debout, et j'ai adoré le faire debout. Et tu t'es pas cassé la gueule ? Pas une seule fois. D'accord. Mais après, enfin, moi, je triche. J'ai toujours un petit repère à mes pieds ou derrière mes jambes ou quoi pour le pour, chat. Ouais. Le chat. Alors, j'ai pas de chat, mais en général, moi, c'est mon canapé. Un chat, un gosse, n'importe. Mais ça aide à garder justement l'équilibre et à pas tomber. Et donc voilà. Après, bon, bah, écoutez, vous avez le test qui est dispo, donc je vous invite à le regarder si vous l'avez pas fait. Et d'ailleurs, j'ai mis le jeu complet sur la chaîne VRAC, que je vous invite aussi à aller checker de temps en temps. Ou si vous voulez vous faire une idée plus sans montage, entre guillemets, et plus réaliste de ce que représente Fract, bah, vous pourrez. Mais en tout cas, je vous le conseille. Alors, même si 25€, ça reste un peu cher pour 3 heures de jeu, mais je vais me répéter, j'ai fait le parallèle avec Vader Immortal, et bah, l'aventure est beaucoup plus fluide. Le gameplay est bien meilleur, je trouve. C'est pas sous licence Star Wars, mais pour le rapport qualité-prix, je vous conseille beaucoup plus Fract que Vader Immortal. Pardon. Moi, franchement, il me dit bien, moi, en promo, celui-là, tu vois. Je pense que je vais attendre la promo. Je sais que c'est pas bien pour les devs, mais. Pour tout le monde en promo, mais finalement, je me répète, mais 25 balles, ça reste. Pour un jeu qui raconte une histoire, alors oui. On peut dire que quand j'ai parlé d'Alvo ou de comment il s'appelle, de Solaris, Feu Solaris d'ailleurs, qui a énormément de mal à survivre, je râlais un peu sur le prix parce que c'était un peu cher par rapport à ce qu'il y avait, mais ça reste un jeu qui est uniquement multijoueur et qui était un peu fini à la pisse. Pour Alvo, je parle. Pour Solaris, c'était plus le contenu qui était léger. Alors là, oui, le contenu est léger, mais... c'est pas pareil, quoi. Enfin, j'ai plus l'impression d'avoir dépensé 20 balles en fait pour. Parce que moi je l'ai précommandé donc je l'ai payé 22€. J'ai plus l'impression d'avoir dépensé 20 balles pour regarder un film et y participer que de m'être fait arnaquer sur un jeu qui est à moitié fini et auquel je jouerai certes peut-être un peu plus longtemps mais où j'aurais pas pris le même plaisir en fait. C'est plus sur ça que je veux insister quand les gens me disent ouais, je le prendrai en promo à 15 balles et tout. Oui. C'est sûr, si ça t'embête de mettre plus de 20€ pour un jeu qui dure 3 heures, je peux le comprendre, mais je trouve que c'est un peu décevant parce qu'à 25€, ça les vaut. Après 30€, bon, est-ce que l'artbook et l'OST, ça vaut le coup ? Digital, hein. Ça reste, ouais, digital en plus. Ça reste, enfin, numérique. Ça reste 5€ de plus, mais moi, je pense qu'à 25€, ça reste encore honnête. Ouais, ça sera de toute façon. Je vous le conseille. C'est de toute façon dans le rapport qualité-prix que t'auras, la note que tu auras mis dans ton test. Hein, de toute façon, après, chacun fait sa conclusion là-dessus. Ouais, exactement. Hein, c'est ce que je dis. Hein, parce qu'en même temps, de plus en plus de joueurs trouvent normal de payer moins de 5 balles pour pouvoir jouer un catalogue de 300 jeux. Hein. Et c'est ça le problème. Et voilà. Et donc, forcément, la valeur des choses. On perd un peu la valeur des choses et des jeux et avec ce genre de tarifs et de. Et de réflexion, parce que bon, mine de rien, ils ont quand même développé le jeu. Alors, je sais pas combien de temps ça leur a pris, mais il y a quand même du travail. Et puis, il faut bien qu'ils rentabilisent un peu leur jeu. Donc, moi, je pense 25€, c'est pas déconnant vu le plaisir que j'y ai pris. Après, c'est sûr, on va pas se leurrer, il est court. Ok. Voilà. Bon. Mais je vous le conseille quand même. Ça marche. Voilà pour moi, donc terminé pour Fract. On va encore rester sur les tests, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de jeux. Ouais, on va rester sur les tests. J'ai une parenthèse entre deux. Ah, oui. Le site que je parlais tout à l'heure sur Twitter, c'est Station of Play. Donc le truc c'est @stationofplay. Et en fait, bah, dès qu'il y a du stock, que ce soit à la Fnac, Cdiscount, Micromania, n'importe quoi, en fait, ils postent un truc et ils te mettent le lien. Et à chaque fois, ils sont super à l'heure et ils te disent dès qu'il y a une PS5 de dispo, en général. Donc ceux qui recherchent une PS5, eh ben, Station of Play, ils sont pas trop mal. Sur Twitter, donc ? Sur Twitter, hein, oui. Okay. Bon, bah c'est pas pour moi alors. J'irai voir du coup. Enfin, j'ai une PS5, mais j'irai voir. Il y a peut-être des trucs intéressants. Donc, ouais, bah, écoute, on va repasser sur toi, Say, puisque oui, tu as été le plus actif cet été. Et tu vas nous parler de Cojones qui explose. Fé. Dans un jeu de précision. J'allais dire Fé, Señor, mais ça, c'est pas italien, ça. Parce que ça se passe en Italie. C'est mexicano. donc oui, tu veux parler de Sniper Elite. Et oui, tout à fait. Donc, effectivement, on va parler de testicules et de crânes qui explosent et de hanches et tout ça. Et donc, toutes ces joyeusetés. Mais ça va, c'est sur des nazis, donc on a le droit. Et puis, on a le droit en jeu vidéo, il n'y a pas de problème. Donc, Sniper Elite VR, effectivement, donc, est sorti le 8 juillet sur PS4, Oculus Quest et PC au prix de 29,99€. Qui est développé par Rebellion. Et qui ont déjà fait Arcaspath. Et donc, Sniper Elite, c'est une licence que les joueurs plats connaissent bien parce que je crois qu'ils en sont à leur 5e opus, si je dis pas de conneries. Ça sera à vérifier. Ouais. Et donc, on se disait, putain, en VR, quand on a eu déjà la news qu'il y avait Sniper Elite qui allait sortir en réalité virtuelle, on était quand même tous un petit peu hypés dans l'équipe. Et on se demandait en regardant un petit peu les images qui sortaient dans les premiers trailers, mais est-ce qu'ils se foutraient pas un petit peu de notre gueule, quoi, parce que ça a l'air quand même super beau, super ambitieux pour ce genre de jeu-là, quand même. C'est pas du triple A, en plus Sniper Elite, hein, c'est pas Call of, ou c'est même moins ambitieux qu'à Hitman, hein. Et bah pourtant, voilà, ils se sont bien démerdés, ils ont réussi à faire une bonne retranscription, en tout cas, de leur licence sur la réalité virtuelle. Au niveau des versions, j'ai fait une vidéo sur la chaîne. On voit la version PC qui défonce tout, qui est très nette, très détaillée, avec une bonne résolution. Et donc voilà, c'est la version étalon. T'as la version PSVR, donc ça c'est celle que j'ai achetée et que j'ai testée, qui est aussi détaillée. Aussi propre, c'est en fait c'est vraiment dans les détails et dans les textures, dans le polygonage, etc. C'est exactement comme la version PC, sauf que la résolution elle est vraiment bien en dessous, quoi, même sur PS4 Pro. Et je dirais c'est normal, de toute façon voilà, la PS4 elle a quand même quelques années maintenant. Et puis tu as la version Quest qui a une résolution, une netteté au top du top, mais par contre qui est polygoné comme un jeu PS2, et il y a carrément des éléments du décor. Elle est amputée de pas mal de background aussi. Ouais, mais c'est ça, il y a des éléments du décor. Tu regardes sur la vidéo de Steph, il y a des tonneaux, des éléments de décor, des meubles en fait qui ont complètement disparu, quoi. Les personnages, c'est vraiment des persos PS2, et bon, Ah, de toute façon, c'est de l'autonome. Donc, c'est l'autonome. Si déjà la PS4 elle galère niveau résolution. Niveau résolution, pardon, on sait qu'un Quest 2, bah, c'est encore en dessous d'une PS4 FAT. Donc forcément, ça reste de l'autonome, quoi. Il y a des concessions à faire. C'est ça. Après, au niveau du contenu, c'est exactement la même chose. Donc du coup, pour moi, c'est une bonne pioche, clairement. Donc ça se passe en Italie, en 43. Et donc c'est Seconde Guerre mondiale, donc on est un rebelle italien c'est un papy en fait qui a des flashbacks dans sa ferme et qui raconte un petit peu ce qui s'est passé, un ancien tireur d'élite. Et puis tu t'arrives, tu butes des nazis et c'est super cool. T'as toujours la killcam à rayon X qui est vraiment chère à la série, qui fonctionne super bien. En réalité virtuelle, franchement, c'est un peu dégueu, c'est très bien. J'ai beaucoup aimé. T'en as un petit peu trop souvent, mais bon, finalement, ça reste fun quand même. Alors, tu peux. Tu dis ça, mais je crois que tu peux les désactiver dans les options quand même. Tu peux, si t'as. Pour ceux que ça fait chier, pardon. Parce que ça arrive quand même un petit peu souvent. Surtout au début, en fait, ça choque. Et puis après, plus t'avances dans les niveaux, plus les niveaux. Au départ, c'est un petit peu des couloirs. Mais plus t'avances dans les niveaux, plus la map s'étend. Et donc plus l'intérêt du gameplay, enfin l'interaction avec la map et les possibilités s'étendent en même temps que la grosseur de la carte. Et du coup, bah, ça reste quand même super cool quand t'es à plus de 200 mètres, quand tu snipes un mec, d'être sûr de pas avoir été ta cible et savoir exactement que tu lui as éclaté les amygdales avec la killcam, et bah, c'est quand même. Tu y trouves une petite satisfaction. T'as une mimole, je te le cache pas, voilà. Donc non, c'est ça reste vraiment sympa. J'ai eu un petit peu peur au début parce que le jeu, je crois que je l'ai terminé. Il y a 18 missions et j'ai dû le terminer en 12 heures à peu près, peut-être même plus, mais vraiment en ligne droite. Et c'est un jeu où tu vas revenir dans les niveaux en fait pour compléter les étoiles. Il y a un système de score avec des étoiles pour pouvoir débloquer des trucs. Et tu vas y retourner en fait plusieurs fois. Pour avoir une approche un peu différente, un peu comme Hitman du coup. Voilà, exactement. Ça va être la même mission que tu vas pouvoir faire depuis pas autant. Manière, C'est pas aussi poussé, c'est pas autant au cœur du gameplay qu'Hitman, mais c'est un petit peu la même idée. Mais voilà, j'avais un petit peu peur en fait au début du jeu, qui est vraiment très couloir, qui manque de subtilité. On va dire la première heure et demie m'a fait un petit peu peur. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu commences à avoir des vraies cartes avec des vrais embranchements et des vrais passages d'infiltration, qui est vraiment pareil le cœur du gameplay de la série. Et bah là, tu commences vraiment à prendre ton pied et puis à trouver le jeu très très sympa. Ouais, ça fait un peu moins bourrin du coup. Au début, c'est peut-être un peu bourrin pour t'apprendre les manières du gameplay. On va dire que c'est un petit peu le tuto voilà. Trop pour les quelques tuto. Premières missions du jeu. Et après, tu passes dans le vif du sujet où tu vas un peu plus être un peu plus discret et plus efficace. Il y a un truc qui est simple, hein. Les premières missions, tu les termines entre 5 et 10 minutes. Les missions à partir du premier tiers du jeu, milieu du jeu, tu les termines en 40 minutes minimum. Ah ouais. Et quand je dis minimum, c'est vraiment quand tu foires quelques infiltrations et que tu commences à bourriner et d'avancer un peu plus vite. Parce que si tu veux vraiment le faire en mode fufu, t'as moyen de passer un maximum de temps sur la carte. Hein. D'accord. Et c'est donc voilà, c'est pour moi, c'est vraiment un bon point ça. Le fait que tu puisses prendre ton temps, observer, surtout que vraiment t'observes tout dans la lunette de ton fusil. Bah ça rajoute à l'immersion quoi. Et oui c'est ça, et donc du coup c'est pour ça que je vous conseille aussi d'y jouer avec l'aim controller si vous en avez l'occasion, parce que tu peux jouer aussi avec les moves et avec la manette, mais c'est quand même vraiment moins bon quoi. La manette c'est au joystick ou c'est du motion gaming? C'est gyroscope de la manette pour bouger. Ouais, donc tu rapproches le truc de ton œil pour la manette de ton œil pardon pour pouvoir viser. Comme Hitman, sauf que ça fonctionne beaucoup mieux qu'Hitman à ce niveau-là. Enfin, en tout cas pour la visée dans la lunette, c'est vraiment bien rendu. Et ouais, je sais que ça te fait plaisir, c'est vraiment. Moi j'aime te faire plaisir donc voilà. C'est beau. Merci, ça me touche. Et je dirais heureusement que le rendu de la visée dans la lunette du fusil est bien rendu, parce que c'est quand même le cœur du jeu. Donc, mais c'est vraiment le pied en fait. À un moment, tu te sens vraiment immergé dans le truc. Tu retiens ta respiration avant de tirer. En plus, t'as le système de focus où ton personnage aussi retient sa respiration, où le zoom est un peu plus important dans la lunette. Et bah t'es vraiment dedans en fait. En plus tu peux faire des petits pièges à tes ennemis. Par exemple, tu peux peut-être tu t'en chopes un à la rotule, donc il se met à brailler comme ça au milieu du camp. T'attends que ses petits copains ils arrivent et puis boum, tu les alignes comme ça. Et si tu veux, tu peux le jouer aussi bourrin, c'est-à-dire que t'as des flingues aussi, t'as des fusils à pompe, t'as des mitrailleuses, t'as vraiment en fait tout. N'importe quel style bourrin ou alors subtil, bah en fait tu peux y aller quand même et essayer de terminer les cartes selon ton envie d'approche quoi. Donc, c'est bien qu'ils aient fait les deux, et c'est surtout bien que même si tu veux la jouer furtif, ça fonctionne en fait. Ah oui bah heureusement, et puis surtout sur ce genre de jeu quoi. Donc voilà, franchement au niveau du gameplay, c'est vraiment un pied monumental. Le seul truc qui m'embête dans ce jeu là c'est que la gestion du son est vraiment pas bonne. En fait t'as le papy donc qui se remémore ses anciennes gloires passées, et donc du coup tu l'entends pendant l'émission. Et le problème c'est que quand tu l'entends, t'as tout le son du jeu qui baisse. C'est à dire que si t'essayais de voir où était planqué un ennemi un petit peu derrière un mur ou un petit peu plus loin, tu vois, et que t'essayais de tendre l'oreille, et bah à un moment il y a papy qui va te parler, tu vas plus entendre du tout ce qui se passe autour de toi, et tu peux te faire repérer à cause de ça. T'as aussi un système comme dans la série classique où quand tu, par exemple, t'as un avion qui passe au-dessus de toi, au-dessus du camp, et ben tu peux tirer et du coup ton son va être étouffé. c'est signalé aussi à l'écran quand le son est étouffé. Et le problème, c'est que des fois, bah, t'entends les avions qui passent, et t'es prêt à tirer, et puis t'entends papy qui commence à parler. Et du coup, t'entends plus du tout ce qui se passe, et tu sais pas si tu peux encore tirer et ne pas te faire repérer. Et du coup, ça, c'est super chiant. Ça, pour l'immersion, franchement, tu, ça... Tu peux pas le gérer dans la balance des sons du menu. Non, parce que le problème, c'est que... Il va se la fermer, le papy. Mais le nombre de fois où je me suis dit ça, Laurent, franchement, c'est un truc de fou. Et bah non, en fait, tu peux pas le gérer. Enfin, après, t'as les options de son, baisser le volume général, etc. Mais tu t'as pas une option baisser papy. Parce que le problème, c'est que si tu baisses le son général, et bah t'entends plus ce qui se passe autour de toi. Si tu baisses juste les voix, bah t'entends pas non plus les soldats en train de parler entre eux. Non, en fait, t'es coincé, quoi. Il aurait dû être sur une piste autonome avec un réglage. C'est ça. Ou alors même parler et puis pas baisser le son général du jeu. Enfin, de l'environnement qui fait partie de la diégèse du jeu. Ou attendre que les scènes d'action ou d'infiltration soient finies. Enfin, que ce soit mieux géré. Le script soit déclenché à un autre moment que. Ouais, que quand tu te moins. Et moins surtout. Parce que surtout au début, et c'est ça qui m'a un petit peu agacé au début quand j'ai commencé le jeu, c'est qu'il parle tout le temps. T'as envie de lui dire, mais c'est bon, ta gueule. Surtout, c'est pour dire vraiment des gros clichés de films d'action américains débiles, quoi. Genre, ouais, la guerre, c'est dur, il faut savoir se salir les mains, c'était pas évident à l'époque. Oui, mais ok, très bien, super. Maintenant, tu te tais et puis tu me laisses profiter. Me laisses me salir les mains. Ouais, tu me laisses me salir les mains et puis, voilà. Puis gagner la guerre tout seul. Exactement. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, voilà, par rapport au plaisir de jeu que j'ai eu pour un jeu, j'ai même pas donné le prix, ouais, 30 balles. Franchement, je peux que le conseiller. Si t'as pas mal d'heures de jeu quand même. Ouais, bah 10 heures, je te dis, en ligne droite. En ligne droite, c'est 10 heures, donc c'est pas mal. Et en plus, je te dis, une fois que t'as terminé, pour pouvoir débloquer les missions suivantes, t'es obligé de gagner un certain nombre d'étoiles. Tu gagnes 3 étoiles par mission. Et bah, c'est comme dans certains jeux arcade en fait. Si tu veux débloquer la prochaine mission, et c'est surtout les dernières, si t'es un petit peu ric-rac niveau étoile, bah tu retournes dans les anciennes pour essayer de débloquer les étoiles et réussir les micro-missions qui permettent de débloquer ces étoiles là. Donc t'y retournes et tu prends du plaisir, parce qu'en plus au fur et à mesure que t'avances dans le jeu, bah ton expérience de joueur, et là je te parle pas d'expérience d'XP que tu gagnes dans les missions, non, vraiment ton expérience de joueur, les habitudes que t'as. Quand tu reconnais justement les attitudes des ennemis, t'es de plus en plus efficace, quoi. T'es de plus en plus discrète et tu connais un petit peu où est-ce qu'ils vont popper, etc. Et ben, retourner dans des anciennes missions, en fait, bah, c'est juste le pied, en fait, parce que t'as plus d'expérience, tu t'es plus à l'aise et puis tu t'amuses plus, en fait. Donc non, vraiment au niveau de la durée de vie, c'est vraiment un très bon point. Niveau graphique, vraiment, il a des très très beaux panoramas, des très beaux paysages. Il est vraiment joli. Il est vraiment joli, même si la résolution n'est pas énorme sur PSVR, franchement, t'es jamais gêné. Même les ennemis de loin, en fait, tu les vois bien, tu les distingues bien, et ça, c'est pas du tout handicapant. Donc non, franchement, il s'est pris un 8 sur 10, et ben, il les vole pas. Il les vole vraiment pas. Moi, c'est une bonne pioche et je le conseille. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des 8 sur 10. De quoi ? Il n'y en a pas beaucoup des jeux qui ont 8 sur 10. Mmh. Ouais, je lui ai pas mis 9 hein, quand même, parce qu'il y a quelques petits bugs, il y a le problème du son qui casse un peu l'immersion et qui fait chier et que tu peux pas configurer, mais sinon le jeu est varié, les maps sont variées, et puis c'est le pied, quoi. Tu regardes le film de Jean-Jacques Hano, Stalingrad, et puis après tu joues à ce jeu là mais t'es comme un ouf, hein. tu te crois vraiment tout seul derrière ta lunette, t'as l'impression de dominer le jeu, quoi, vraiment, surtout quand tu commences vraiment à taquiner du tir, quoi. Donc non, bien, vraiment cool. J'ai beaucoup aimé, en tout cas. Donc, bonne pioche à conseiller. Très bonne pioche, ouais. Du coup, si vous l'achetez, du coup, persévérez, puisqu'apparemment, le début est un peu chiant, mais à la fin, ça devient... Ah, le début, il faut s'accrocher, mais après, c'est que du bonheur. Ok. Voilà. Merci, Saï. Mais je t'en prie. Du coup, ben, tu vois, on parlait de... Il y avait rarement des jeux qui avaient 8, 9 sur 10. Là, on va parler d'un jeu qui mérite 12 sur 10. Oula. Hitman 3. Je sais. Hitman, y a Hitman 2 qui est offert avec le PS Plus. Hein. Ah ouais. Donc c'est bon. Il vaut 13 sur 10. C'est une parenthèse, mais il faut le préciser, parce que ceux qui aiment bien la VR, à partir du 9 septembre, c'est bien de le mettre de côté, quoi, dans sa bibliothèque. Comme ça, ouais, ça fera toujours ça en moins à payer. C'est ça. Exactement. Si vous envisagez d'acheter Hitman 3 en VR, C'est une bonne option. Si vous aimez la VR, tout simplement, j'ai envie de te dire. Ouais, enfin, mais si vous prenez que Hitman 2 sans Hitman 3, vous pourrez pas jouer en VR. Donc, c'est si ça. Vous envisagez d'acheter Hitman 3 VR, pensez à mettre Hitman 2 de côté pour pouvoir en profiter avec le 3 en VR. Exact. Ça m'a l'air bien compliqué quand même. Il y a beaucoup de retours de gens qui récupèrent Hitman 2 et qui disent comment je fais pour le faire marcher avec mon Hitman 3. Je sais pas si on fasse un tuto. Ah oui, faut le refaire alors. Et le mettre en page. Alors non, mais ce que je veux dire, un test. Les gens vont chercher le test. Je vais peut-être séparer les données et les mettre dans un article à part. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup cette question, elle revient. Je l'ai encore vu cette semaine sur Facebook. Sur Twitter, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient en galère aussi. Et ça revient fréquemment, en fait. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si on ne va pas faire un petit truc. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de versions, en fait, de ces jeux-là. Hitman 1, GOTY, la version standard, pour le 2, pareil, la version Game of the Year. Et c'est vrai que les gens sont il y en a qui sont bien perdus. C'est un peu l'usine à gaz. Ouais. Ils n'auraient pas pu faire pire. Donc du coup, on est d'accord que c'est pas Hitman 3, ni Hitman 2 d'ailleurs, qui mérite le 13 sur 10. Hitman 1. C'est No Man's Sky. on va parler de No Man's Sky parce que bah, y a encore une mise à jour, donc c'est Frontiers, la version donc 3.6 du jeu. Alors pour rappel, No Man's Sky 2016. Frontiers. Frontiers. Et donc un jeu voilà qui a été patché de multiples fois et bah Sean Murray nous avait teasé ça il y a quelques semaines. C'est pas terrible, No Man's Sky, moi je trouve. Ouais, bien sûr. Et puis là, Robinson. On a droit à ce qui n'a rien à voir. On a droit du coup à une partie qui était un peu, je dirais recherchée par les joueurs où on sentait un peu l'absence de vie commune, on va dire, au sein des planètes. Et en fait, cette mise à jour de Frontières, alors entre autres correctifs et améliorations qui ont été apportées, le fond de cette mise à jour Frontières, en fait, c'est l'aspect des colonies. Donc en fait, vous allez avoir la possibilité de trouver des colonies... De vacances Exactement. Vous allez pouvoir vous amuser et faire plein d'activités. J'ai honte. des colonies de survivants, mais t'as vu, je rebondis, hein, je te laisse pas tout seul. Merci, Nico. Des colonies donc de survivants en fait qui sont éparpillés un peu partout, qui vont être plus ou moins grosses et plus ou moins efficaces, donc ils vont avoir une classe qui leur est propre, comme les classes sur les vaisseaux, les multi-outils, etc. Et en fait le but ça va être de les aider et de faire évoluer cette colonie, alors évoluer en termes de productivité de ressources, en termes de ce que vous allez pouvoir gagner, en termes de taille aussi, puisqu'elle va pouvoir on va pouvoir construire plus de bâtiments, plus de technologies, etc. Et en fait moi ça me fait penser à un SimCity-like. Ça me donne un peu cette impression où du coup tu vas gérer une petite ville en fait à la base, et puis l'objectif ça va être de la faire grossir de plus en plus, et à l'intérieur de cette ville tu vas avoir de la vie. Et c'est vrai que c'était un peu le reproche qu'on pouvait faire à No Man's Sky, enfin le reproche entre guillemets, un des reproches qu'on pourrait lui faire, c'est d'avoir toujours cet aspect aventure un peu solo, où les seules vies qu'on va rencontrer ça va être dans les stations spatiales ou dans le Nexus, ou quand on va faire des missions entre nous. Et j'avoue que cette nouvelle amélioration, enfin ce nouveau mode de jeu entre guillemets, il est plutôt intéressant. Alors il n'y a pas que ça, bien entendu, après il y a tout un tas de nouveaux matériaux, de nouveaux styles de construction. Là ce qu'ils nous ont montré dans le trailer et ce qu'on peut voir, c'est des trucs qui sont un peu plus sudistes, côté africain, tu sais, avec des grandes ouvertures, un peu dans ce que tu peux avoir un peu dans les panoramas désertiques. Et puis après tout un tas de corrections, des améliorations sur les explosions, enfin tout un tas d'effets supplémentaires. La partie 3 du mode expédition, alors le mode expédition pour rappel c'est pareil, c'est un mode de jeu alternatif au mode normal, on va dire, où tu recommences un peu, on va dire, le jeu de zéro, mais avec d'autres objectifs qui sont un peu différents et de l'aventure de base. Et puis voilà, bon, enfin, après je vous fais pas tout le détail du patch note parce que je pense qu'on pourrait faire deux émissions entières dédiées juste à ça. Par contre, je vous invite à aller sur le site de nms-france.fr qui sont spécialisés donc dans No Man's Sky avec une super communauté et qui vous listeront tout le patch note avec des visuels quelque chose de très propre et très qualitatif, voilà. Mais encore une fois, on sent que bah, le pour moi le meilleur jeu du PSVR, hein, puisqu'il n'y a pas photo, c'est top, s'améliore encore de jour en jour, et même 5 ans après être sorti. 17e mise à jour, gratuite. Non, 26e je crois. 17e, ils ont mis dans le PS Blog. Ah ben peut-être alors. Non, c'est ce que je te disais, 26e. Ah, mais c'est toi qui me disais ça tout à l'heure. Mais j'étais pas sûr, j'étais pas sûr. Mais en tout cas, je savais qu'il y en avait beaucoup. C'était ironique. Non, du tout. Non, c'était pas ironique. Non, je pensais vraiment qu'il y en avait plus d'une vingtaine. Parce que j'avais vu justement une image avec, avec des artworks de chaque mise à jour majeure, justement, ils avaient fait. Oui, voilà. Alors après, c'est peut-être la 17e mise à jour majeure, effectivement, qui apporte un gros truc au gameplay. Ouais, c'est ça. C'est vrai. J'avoue, j'ai pas compté. Mais bon, bref, en tout cas, encore une fois, le No Man's Sky prouve que ça reste le meilleur jeu VR à mon goût, le meilleur jeu PSVR qui existe. Alors après, les goûts et les couleurs, je le dis souvent, mais c'est tellement vrai. L'ennui. Et l'ennui, non. Quoi. Non, c'est pas pour me, pour me friter avec toi ou quoi que ce soit. Moi, je t'ai déjà donné mon avis sur ce jeu-là. C'est vrai que moi, j'ai joué. J'en suis pas à des centaines d'heures comme toi. J'y ai joué qu'une vingtaine d'heures ou un truc comme ça. C'est pas suffisant. Non, je sais que je me doute que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que tu passes à côté de tout, en fait. Mais je sais, mais le problème, c'est que tu es obligé de passer à côté de tout, parce que si tu ne fais pas 1400 heures sur ce genre de jeu-là, tu ne vois pas tout. Et encore, au bout de 1400 heures, je pense que tu es encore loin du compte par rapport au contenu qui est disponible. Et le problème, c'est que ce genre de jeu-là, je n'arrive pas à m'impliquer maintenant autant que quand j'étais chômeur ou que j'avais pas de famille, quoi. Temps. Ouais. Il faut avoir du temps. Oui, au début, je te dirais, ça demande un petit investissement entre guillemets pour apprendre un peu tous les rouages et tout ça. Mais après, ça revient assez naturellement. Et puis, t'as tellement de choses à faire que tu peux mettre le casque, jouer. Bon, moi, les dernières sessions que j'ai fait, je me suis fait deux fois 5 ou 6 heures. mais tu peux mettre le casque, jouer 2 heures. Tu vas pas faire grand chose, mais ça va quand même être dépaysant. Si tu veux, tu vas quand même avoir deux trois trucs à faire. Alors, c'est vrai que si tu veux, en voyant tout ce que tu vois sur internet, faire une mini-ville en construction et tout, bon, bah, il va te falloir déjà crafter énormément, récupérer plein de ressources et tout, mais tu peux quand même grappiller des petits trucs par-ci par-là en étant organisé, tu vois, enfin, ça reste une deuxième vie, ce jeu, en fait. Est-ce que tu sais s'il est cross-platform multi entre le PC la PS5 Entre PS4 et PS5 Ouais. Non, PC et PS5 ou PS4. Alors, le PC... Non, le PC, je crois pas. Je crois pas parce que j'avais un collègue qui jouait donc et sur PC et sur PlayStation VR, qui avait les deux versions. Et je crois qu'il est obligé de venir avec son PSVR pour jouer avec nous. D'accord. Mais à vérifier, parce que je sais pas si dans certaines mises à jour, ils n'ont pas rajouté le cross-platform. D'accord, ok. Parce que tu Dans le Nexus, il me semble que tu vois quand les joueurs sont PlayStation ou PC. Tu as un petit logo, donc si tu as le logo, ça veut dire que ça doit être cross-platform. Oui, oui. Donc, ouais. Je suis pas sûr de ce que j'avance. Comme Squadron. Ouais, voilà. Majo, j'ai une question pour toi. Donc, ça vient de. Ouais, Iken Sao, qui est sur le groupe Facebook, qui demande si No Man's Sky est-il toujours aussi horrible en réalité virtuelle sur PS4. Alors, je fais partie des nantis, donc moi j'ai une PS5. Et j'avoue que je l'ai pas retesté depuis. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une grosse mise à jour. Je crois que c'est sur la dernière, sur Prism, avec l'arrivée de Prism. Je sais plus si c'est Prism ou Next Gen. Bon, enfin bref. Et en fait, ils ont énormément revu l'aspect proximité, texture, arbre, enfin végétation, tout ce que tu veux. Ce qui fait qu'en fait, quand tu vas être en l'air, tu vas voir on va dire une zone circulaire qui va être très touffue et très fournie en végétation, et tout ce qui est au loin va être beaucoup plus lisse et moins détaillé, avec beaucoup moins de choses affichées. Donc effectivement, quand tu es en l'air, ça se voit. Par contre, quand tu es au sol, ça se voit beaucoup moins, et c'est beaucoup plus agréable, en fait, à vivre. Donc ça, je l'ai constaté avec la version PS5, donc je suppose qu'ils ont fait la même chose sur PS4. Mais je peux pas dire si la résolution du jeu est meilleure depuis ses mises à jour qu'elle ne l'est sur PS5. Par contre, de toute façon, sur PS5, oui, voilà. Sur PS5, c'est une tuerie. Ça n'a rien à voir avec la version PS4 que j'ai connue. Voilà, parce que tu as joué sur PS4 d'abord. Après ah ouais, non, non, ça PS5. N'a rien à voir. Moi, j'avais la PS4 Pro, on a toujours dit, il faut un patch PS4 Pro, il faut un patch PS4 Pro, pourquoi on sort pas un patch PS4 Pro? Bon, bah finalement, maintenant qu'il y a la version PS5, je pense que le patch PS4 Pro, on l'a jamais eu, tout simplement parce que c'est pas possible. Moi, ok. Voilà, vu le rendu qu'il y a sur la PS5... Alors moi, je dirais quand même que je trouve que la version PS4 Pro est un peu moins floue qu'est-ce qu'elle était avant. Donc il y a eu quelques améliorations, mais ça reste toujours un peu... Faudrait que j'essaye. Je te dis, avec ce nouveau système d'affichage, là où c'est beaucoup plus zoné en fonction de là où est ton personnage, en fait, enfin de là où tu es, du coup, faudrait que je remette le casque. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut tout débrancher, tu vois, pour rebrancher sur la PS4. Je pense qu'il y a certains joueurs PS4 qui adorent ce jeu, qui ont ce jeu, et qui ont lâché au bout de quelques heures parce que c'était trop flou. Alors, et qui attendent peut-être la version PS5. Say, tu en parlais tout à l'heure, tu disais que tu avais tenu 20 heures, tu l'as fait sur quoi? Sur PS4 FAT? Je l'avais commencé sur PC à l'époque, après je l'ai fait sur PS4 FAT. Sur PC, t'étais déjà au top du top. Non, mais en plat, j'avais pas de casque encore à l'époque, je te parle vraiment quand il est sorti. Hein. Je l'ai fait ensuite sur PS4 avec le PSVR, donc au début, sa sortie, voilà, VR, en tout cas la version VR. Ça quand il a été saigné les yeux au début. Mais c'est pas ça qui m'a gêné, en fait. C'est juste, en fait, le principe du jeu, quoi. Comme je te disais cet après-midi, hein, il y a The Forest, Subnautica, tout ça. C'est des jeux qui sont géniaux, j'en suis persuadé. C'est pas pareil. Mais c'est plus ma cam, en fait. J'ai plus le temps pour jouer à ce genre de trucs. The Forest, c'est quand même un peu horreur, quoi. Enfin, c'est un jeu avec... Oui, peu importe. Moi, j'aime bien les jeux d'horreur, donc ça me pose pas ouais, de... Ouais, non, mais... Là, c'est un jeu, c'est chill, quoi. C'est la détente, c'est l'exploration. C'est, ouais, mais tu vois. Les fights dans No Man's Sky, c'est pas du tout le cœur du jeu. Et quand t'en as, en général, moi, je me bats jamais. Je crois que je suis jamais mort dans ce jeu, tu vois, pour te dire. Je me bats quasiment jamais. Je fuis, ou alors quand c'est en vaisseau, j'arrive à le faire parce que c'est pas très compliqué. Mais c'est vraiment pas le cœur du jeu. T'en as parce que forcément, t'es obligé d'en avoir parce que ça reste un jeu où t'as beaucoup de phases de gameplay. Mais tu n'es pas dans No Man's Sky pour te stresser la vie, en fait. C'est vraiment un jeu où tu prends le temps, c'est t'es ça. Posé, t'es détendu, t'es calme, et c'est ça, No Man's Sky. Mais ça se prête très bien à la VR. Ça, je l'ai plus, mais je suis persuadé que t'as raison, et je suis sûr que c'est un très très bon jeu, et j'ai vraiment aucune envie, moi, c'est de pouvoir y jouer, de pouvoir avoir le temps d'y jouer. Malheureusement, c'est pas le cas. Je préfère maintenant... j'ai trop de jeux en plus à faire que j'ai vraiment envie de faire, et je préfère des aventures un petit peu plus condensées que je peux pas m'investir dans un jeu comme No Man's Sky. C'est impossible. Je comprends, hein, mais comme je te dis, ça t'empêche pas de... C'est pas parce que tu vas pas y jouer. Moi, j'ai une période, j'ai pas joué pendant 6 mois, hein, à No Man's Sky. Et puis je l'ai remis, et puis je me suis remis un peu dedans, et puis j'ai arrêté, et puis j'y rejoue, je sais pas, 3-4 semaines après, je refais une petite partie. Le problème, c'est que quand tu lâches quelques semaines ou quelques mois, ce genre de jeu-là, déjà avec les mises à jour, il y a beaucoup de choses qui changent que tu dois redécouvrir, et en plus, tu dois réapprendre à jouer à chaque fois. Moi, comme je te disais, réapprendre à jouer, non. Mais moi, je ne l'ai pas fini encore. J'ai 140 heures de jeu, donc comme je te disais, moi, je suis un petit, petit joueur. Hein. Tu prends ne serait-ce qu'Herbi, il a, je crois, 400 ou 500 heures de jeu. J'ai, pareil, un autre collègue avec qui je discute, il a plus de 1000 heures de jeu. T'as des gens, ils ont je crois que tout confondu, ouais, il y en a un qui fait que ça depuis la sortie du jeu, il stream, il fait 2-3 heures par jour, je crois qu'il est à plus de 4000 ou 5000 heures, toutes parties confondues, sur No Man's Sky, si tu veux. Donc ça reste effectivement des gens qui vont connaître le jeu sur le bout des doigts, tous les patterns, toutes les planètes, tous les styles de végétation qu'il peut y avoir, ils vont te dire, ah, mais il y a juste la couleur qui change sur tel truc, enfin... Effectivement, t'en as des gens comme ça. Moi, le jeu, je le consomme pas de cette manière parce que je suis un peu comme toi, j'ai pas le temps. Mais par contre, quand j'y joue, en général, j'essaie de prendre le temps et je sais que ça va être une partie, mais tranquille, quoi, détente. Où je vais enlever le casque, je vais être détendu, dépaysé. T'sais. Bon, je dis c'est bien, j'ai fait mon petit truc, c'est cool. Une balade. Et c'est voilà, c'est la balade. Tu changes de planète, d'univers, tu. C'est vraiment le jeu détente. C'est ce que je disais dans l'article qu'on a fait sur No Man's Sky, là, que c'était bien en sortant du boulot de sortir un peu de son quotidien. Tu mets ton casque et tu vas voyager, quoi. C'est ça. C'est totalement dépaysant. Comme tu as Dreams, où c'est pareil, c'est pas le jeu. C'est pas un jeu que tu vas commencer, que tu vas terminer, en fait. C'est un jeu où tu vas y jouer de temps en temps. pour prendre un petit plaisir de temps en temps et puis te détendre quoi, essayer des trucs et machin. Ben, No Man's Sky c'est la même chose. Ça peut être un jeu que tu picores de temps en temps et t'es pas obligé de t'y investir 5000 heures pour pouvoir en profiter quoi. Donc voilà, c'était juste pour parler de cette mise à jour Frontier. Donc quand tu es passé à la PS5, ça t'a mis une méga claque par rapport à... Ah ouais, ça a été la gifle. Ah ouais. Enfin, alors c'est, pas au début, puisqu'il n'y avait rien, mais quand le patch est tombé, parce qu'il n'est pas tombé de suite à la sortie, ouais, il est tombé, je crois, un mois ou deux mois là, après. Là, t'as fait waouh, là. Là, c'est et chouette. Là, c'était... Ah ouais, là, c'était... alors, il y a toujours de l'aliasing, c'est toujours pareil. Il y a quand même certains trucs, mais il y en a beaucoup moins. Et l'amélioration. Le jeu est surtout super net par rapport à ce que c'était avant. Mais imagine ce qui sera en natif sur PSVR 2, en natif alors, sur PS5. J'ai constaté, justement... Alors ça, tu vois, c'est marrant parce que c'est un truc que je n'avais jamais vu avec la version PS4, c'est que j'ai constaté sur PS5, c'est le détail de certaines textures qui a été amélioré d'ailleurs depuis. Mais il y en a quand même une qui reste dégueulasse, c'est la texture au sol. Quand tu fais de la merde, qu'on appelle ça, de la quand terraformation. Tu fais de la merde. Oui, tu fais de la merde, ouais. Quand tu fais de la terraformation, du coup, tu vois en fait les pixels sur les textures. Ah, et ça, ouais. C'est un truc que tu ne voyais pas sur la version PS4. Donc c'est pour expliquer à quel point c'est vraiment plus net sur la version PS5 et qu'il y a des détails que tu ne voyais pas du fait du manque de résolution de la PS4. Et de la PS4. D'accord. Voilà, donc très bonne pioche, merci Hello Games, merci Sean Murray, j'ai hâte de tester ça, je pense que j'en ferai une petite vidéo sur Wrack, tiens je ferai une en tout cas c'est un studio qui, je sais même pas si on l'a testé celui-là, on l'a foutu dans les incontournables direct je crois. Ouais mais il n'y a pas de test je crois, mais de toute façon c'est un test de malade quoi, ouais, t'attends de le finir. Il est jamais vraiment fini ce jeu. Même mais quand on l'avait calé, on l'avait mis direct dans les incontournables de toute façon. Par contre, c'est vrai que ce petit studio Hello Game qui s'est fait tant critiquer à la sortie de No Man's Sky, alors peut-être que les attentes étaient trop fortes pour les joueurs et que Exactement. Le studio était trop petit. C'est lui qui était très ambitieux dès le départ. Très ambitieux. Ils ont jamais lâché le morceau quoi. Ils ont continué, ils l'ont amélioré, ils l'ont peaufiné et puis maintenant ça devient quand même un monstre du jeu vidéo ce jeu parce qu'il est quand même devenu conséquent et intéressant. Il est culte. Oui, et puis il va durer encore quelques années, je pense, parce qu'il y a encore tellement de choses. Comme tu disais, c'est un monde parallèle. Moi, je trouve que ça s'oriente plus vers quasiment du multiverse maintenant. Oui, parce que c'est quand même un jeu qui est devenu très communautaire, quoi. Alors, tu pouvais jouer à plusieurs à l'époque, mais là, depuis qu'ils ont rajouté le Nexus, donc le Nexus, en fait, c'est une espèce d'étoile de la mort. Ça ressemble un peu à ça, le vaisseau, c'est marrant. Que tu peux appeler n'importe quand, ou tu peux rejoindre tes amis ou même des gens que tu ne connais pas. En général, quand tu y vas, il est toujours blindé, toutes les places de parking sont prises, entre guillemets. Et puis, tu peux faire des missions avec des inconnus, si tu veux. Tu peux taper un mec sur l'épaule, en gros, lui dire « Vas-y, j'aimerais bien faire une mission avec toi », même si tu l'as jamais vu, il accepte ou il accepte pas. Et puis, tu peux faire des missions dans le jeu juste comme ça et te créer des amis comme ça, en fait. Ah, ça peut encore évoluer avec plus d'interactions sociales et arriver sur un truc de fou. Ça pourrait. Voilà, enfin bon, ça reste mon jeu préféré... Sur PSVR. Mieux que Hitman 3. Ouais, franchement. Le truc qui a rien à voir. Pas dur. Bah, moi, c'est Astrobot. Ouais, non, mais il lui met la gifle. Franchement, en tout cas, il met la gifle. Ouais, Astrobot, je suis désolé. Mais comparez ce qui est comparable, les gars. Oh là là là. Sérieux. Half-Life Alyx. Astrobot, mais Astrobot, c'est une tuerie. C'est vrai, mais rien à voir avec No Man's Sky. Bref, sur ce. On va terminer par qui ? On va terminer par Sei. Mais pour une fois, Lolo, tu parles pas beaucoup ce soir. Quand même. Ben non, je vous ai dit, l'actu elle est pas top. Donc d'habitude, on entend que toi, mais alors ce soir, on parle jeu et encore jeu. Ouais, c'est pas ça, de news. Et voilà. Donc là, tu nous parlais d'un jeu qui est pareil, qui est très original, qui reste. Alors, c'est pas un ovni dans son concept, mais c'est un ovni dans sa manière de l'aborder. Oui. C'est fait par un studio donc qui a l'habitude de faire des ovnis, puisque c'est Arvor. Oui. Et tu vas nous parler de Yuki. Il est où, hein, le Yuki ? Voilà, ça c'est fait. Hein, donc certains sur le Discord avaient demandé cette magnifique blague. Maintenant, c'est chose faite. On écoute la communauté. Voilà, exactement. Voilà. Même quitte à se ridiculiser. Tu mets la musique de Gotenner avec ? Oh, je verrai ça au montage, ouais. Bon, peut-être en bonus de fin. Donc oui, Arvor. Cool. Arvor Pixel Rift 1989 et 96 15 merde, enfin un an près, qui j'avais bien aimé en fait, une ambiance pop et acidulée, comme disent les émissions de merde musicales sur la TNT. Et donc voilà, c'est un petit peu le même trip qu'ils ont fait avec ce Yuki dans l'ambiance en tout cas. Yuki, c'est une petite figurine un petit peu mecha, enfin hybride cyborg mecha kawaii manga qu'on dirige avec la main, donc avec son move. Et on a une petite bouboule avec le move gauche qui permet d'avoir des bonus ou des trucs comme ça en fait. Donc c'est un roguelike, donc assez exigeant. C'est un jeu de boulettes, c'est-à-dire que tu vas te prendre plein de boulettes dans la gueule, tu vas plus rien comprendre à ce qui se passe à ton écran, et tu vas avancer comme ça. Ça va être un scrolling en avant tout le temps, où tu vas devoir éviter les boulettes, éviter les décors, faire avec ton move, donc ton petit personnage qui est dirigé avec ton move, du coup tu vas devoir éviter tout ça et viser. Et ça fonctionne un petit peu comme si t'avais, enfin ce petit personnage fonctionne comme si c'était un gun en fait. Donc t'as l'impression d'avoir un gun à la main et de pouvoir tirer en face de toi les ennemis. Donc c'est un mélange de plein de trucs en fait. Voilà, roguelike où tu vas pouvoir débloquer des bonus dans les niveaux pour pouvoir améliorer ton personnage, récupérer de l'expérience pour pouvoir upgrader entre chaque mort ton perso. Et puis au fur et à mesure avancer de plus en plus parce que ton perso sera de plus en plus level up pour pouvoir soit faire plus de dégâts, soit se défendre mieux, etc. Et toujours dans une ambiance graphique voilà, qui est feel good en fait, avec une musique qui est ultra sympa. En fait Arvor, ils aiment le jeu vidéo, ça c'est clair et net. Ils ont beaucoup beaucoup de références, ils aiment bien prendre toutes les références qu'ils aiment depuis ces 20-30 dernières années, les mixer et en faire un jeu. Voilà, et c'est vraiment leur philosophie, ils ont toujours fait ça avec les Pixel Rift, et c'est exactement ça. Et donc avec ce Yuki, ils ont fait exactement la même chose. Et donc du coup, ça donne un jeu là qui est exigeant, avec un gameplay qui est plus poussé justement que sur les Pixel Rift, parce que c'est un style de jeu un peu plus codifié. Est forcément dur parce que le roguelike forcément c'est dur, tu dois en chier, tu dois t'écraser contre un mur pour pouvoir mourir et recommencer et revenir plus fort. Et donc du coup bah, c'est bien qu'ils se mettent un petit peu à faire des gameplays un peu plus exigeants comme ça, avec toujours cette ambiance très feel good quoi. C'est un jeu, tu fais des petites parties comme ça de temps en temps, tu t'amuses bien et tu prends ton pied et tu meurs et c'est pas grave, tu recommences avec le sourire. Et tu sais que de toute façon, si t'es mort, c'est de ta faute, donc t'y retournes. À chaque fois que tu recommences, en plus, les niveaux changent un petit peu, le décor principal reste le même, mais les ennemis seront pas au même endroit, il y aura des éléments du décor qui vont bouger qui n'étaient pas là avant. Les patterns des boss ont un petit peu changé entre une partie et une autre. Donc voilà, non, c'est vraiment un bon petit jeu qui coûte pas trop cher en plus sur PC. Il est à 20€. Je pense qu'il s'approprie au même tarif sur PSVR. Et j'ai 25. Beaucoup aimé. 25, ouais. T'as vérifié ou... Non, mais ça sera à 25 sur PSVR. En général, c'est toujours un peu plus cher que sur PC. Voilà. Mais... Les commissions doivent pas être les mêmes. Mais franchement, vu la durée de vie, vu l'exigence du titre et puis surtout le pied que tu prends move en main, parce que c'est clair et net que ça se jouera pas au PS Move, enfin à la manette, mais vraiment qu'au PS Move, franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est mignon, c'est sympa, t'as envie d'y retourner, tu passes un bon moment, t'es bien en fait dans ce jeu. Même si tu te fais prendre une fessée par le jeu, tu lui dis merci à la fin, donc c'est cool. Et les musiques sont cool aussi. Hein. Les musiques sont super cool, ça fait vraiment partie de l'ambiance. C'est enlevé, c'est joyeux, c'est très japonisant, je trouve, un peu quand même. Dans les premiers niveaux, en tout cas, oui, bah, c'est complètement ça. Je te dis, c'est un mélange manga, manga kawaii, avec le petit personnage qui a un petit peu des ailes de mecha. C'est un mélange de plein de trucs. De plein de trucs que les développeurs aiment et puis ils ont envie de... Ça transpire l'amour en fait, ce jeu. Donc j'ai beaucoup aimé. Ok. Il y a une bonne petite équipe à avoir. Je vois les boulettes, ça me fait un peu penser à Returnal aussi. Oui, Returnal, c'est rien aussi. Ou alors Nier Automata ou Nier Replicant aussi. Hein. c'est le même principe. En fait, c'est oui, c'est un beat'em all, enfin pas un beat'em all, hein, manic shooter, genre Ikaruga ou enfin voilà tous ces jeux. Space Invader. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. Pour les plus jeunes, c'est ça. Et voilà, donc c'est très bien. J'aime beaucoup. Bon, bah, ça roule. Eh bien, écoutez, messieurs, on a fait le tour du programme. Donc là, on est dans la partie freestyle. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Moi, je reparlerai bien de ce qui va se passer jeudi prochain, qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. C'est, vas-y. C'est juste, petite parenthèse, que il y a de fortes chances qu'il parle quand même des acquisitions des studios Sony. On n'en a pas parlé, en fait. Il y a des grosses rumeurs qui parlaient de Bluepoint au mois de juin. Il n'y a jamais eu de retour. Parce qu'il n'y a rien du tout. Bah, peut-être qu'il y a rien, mais le studio Returnal qui a été racheté également. Et puis le deuxième studio qui est plus réservé pour les adaptations de jeux PlayStation sur PC. Ils n'ont jamais pris la parole là-dessus, donc c'est peut-être ce sujet-là finalement qu'ils vont aborder jeudi. Ok, ou pas. Nix, je crois qu'elle s'appelle comment ce studio? Nix, un truc comme ça, non? Il y a deux. Oui, il me semble, ouais. Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Donc à suivre, on verra jeudi. Ouais. Bah, moi, tout ce que j'ai à rajouter, c'est que des fois je fais des petites pauses de VR, en ce moment j'y arrive pas. Alors, ça vient aussi parce que voilà, maintenant j'ai une PS4 Pro et donc du coup les jeux sont un peu plus beaux. J'ai une nouvelle config PC, donc du coup je redécouvre des jeux qui... Ouais, t'as envie de tester, t'as envie d'éprouver ton PC. J'ai envie de tester, je lui en mets... Jusqu'où tu peux... Je lui en mets plein la gueule, les échelles de résolution, là grosso merdo, j'ai ce qu'on aura sur PSVR 2, quoi, et c'est un pied intégral, quoi, et j'arrive pas à décrocher du casque. On dit de moi que je suis un anti parce que j'ai une PS5. Est-ce qu'on peut dire de toi que tu es un anti parce que tu as une carte graphique de chacal? C'est pour le boulot aussi. C'est quoi la carte d'abord? C'est pour le boulot, c'est une 3090. Non, putain de l'anti. Qui t'a pété un plomb, autant le péter jusqu'au bout. Hein, Moi, j'ai même plus, je t'adresse la parole. Monsieur va faire du minage de bitcoin. Putain, sa carte, elle vaut plus cher que ma bagnole. Exactement, je vais faire ça, c'est ce que je déteste le plus au monde. Je sais pas comment un troll peut dire il y a rien en VR, il y a rien d'intéressant, ça ne marche pas. C'est un troll. C'est que des petits jeux. Il y a aucun triple A ou quoi que ce soit. Regardez un petit peu ce qui sort sur PSVR, ce qui est sorti sur PC, les mecs. Quand tu regardes un Stormland ou un Asgard Wrath, tu peux pas dire non, il y a rien qui sort sur VR, quoi. Donc moi voilà, je suis à fond, je prends mon pied. J'ai refoutu Alix, je télécharge plein de cartes. Je trouve que le boulot des joueurs est vraiment incroyable. C'est un pied monstrueux du début à la fin. Et voilà, quoi. Donc, ouais, je surkiffe de plus en plus. Je suis pas lassé au bout de toutes ces années. Je suis plus lassé, en fait, par le comportement des joueurs et des gamers sur le net, que je trouve de plus en plus nauséabond et de moins en moins constructif. C'est le truc qui m'agace le plus, en fait. Je suis passé par cette phase-là, mais je te dirais que je suis en train de redescendre à une vitesse grand V, et maintenant il m'amuse. Alors qu'avant, il m'énervait. Avant, ça m'amusait, et en fait, je me rends compte que... C'est l'inverse. Avant, il t'amusait, maintenant il t'énerve. C'est ça, parce que c'est tellement systématique, c'est tellement tout le temps que voilà, c'est pour ça que je fous pas les pieds sur Twitter ou toutes ces merdes là, aussi c'est toxique au possible. Non, moi j'aime bien, Twitter, c'est plein d'amour. De temps en temps, je les chauffe, je m'amuse comme ça. C'est que de l'amour, mais que dans le cul, en fait, Twitter, c'est ça qui est bien. je préfère jouer que de me prendre la tête avec dans des débats stériles qui servent à rien. Débat stérile, c'est sûr. Ça m'intéresse. Il n'y a jamais de sortie. Hein. Ça m'intéresse de moins en moins. Je trouve ça dommage pour les gens qui critiquent sans connaître. Et puis voilà, quoi. Moi, je vais rebondir sur ce que tu dis en parlant. Je vais revenir sur eux parce que ça reste quand même des journalistes et puis des spécialistes, on va dire, du jeu vidéo. Je vais revenir sur ce qu'a annoncé encore Canard PC il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je ne les suis pas, donc j'avoue que je n'étais pas au courant, mais il y a donc Zazel de... de la nouvelle chaîne ETR de Deliver, hein, qui a changé de nom, qui a fait un espèce de live commenté justement sur cette vidéo. Et en fait, Canard PC a publié, bon, bah, ils font des articles de news, etc. Et ils ont parlé de je ne me rappelle plus de quoi. Alors bravo, bravo Majo pour le coup. C'était pas préparé. Non, pas du tout. Et bref, ils sont revenus. Donc c'est une vidéo en fait de Canard PC qui date de mai 2021. Donc c'est il y a 4 ou 5 mois. Pas très vieille. Et en fait, ils reparlent encore de la VR. Mais d'une manière tellement désinvolte on leur était déjà rentré dedans il y a quelques temps. Ouais, mais c'était avant la sortie d'Alix, ouais. Justement, où il disait qu'Alix, si Alix ne fonctionnait pas, ça serait le dernier clou sur le cercueil. Et t'as quoi comme casque VR, toi? Un PSVR? Ah, voilà, mais c'est pas un casque VR, c'est un sous-casque, ça. Exactement. Ça n'a pas changé, d'ailleurs. ils ont toujours la même opinion là-dessus. Et en fait, c'est tellement dénigrant et je trouve qu'ils prennent ça avec tellement de hauteur. De condescendance. C'est clair. Voilà, exactement. Je cherchais le mot, merci Saïd. De condescendance. Et je trouve ça juste dramatique de la part d'un site spécialisé. Qu'ils n'aiment pas, c'est une chose, ça se comprend, mais de toujours cracher dessus et en plus avancer des arguments en parlant, je me répète, mais en 2021, en parlant encore de Skyrim VR et de Fallout. De faux arguments. Et de Fallout 4, du coup, qui sont des jeux, certes, qui ont 5 ans. Bien en plat, mais qui ne sont pas du tout développés pour la VR et pensés pour. Ça reste des adaptations. Et le jeu le plus récent dont ils ont parlé, c'est Tetris Effect, tu vois. Donc, je me dis que ces gens parle sans connaître, ni plus ni moins, parce que moi j'ai pas la prétention de dire que j'ai essayé tous les jeux, parce qu'il y en a tellement et on peut pas, puisque déjà j'ai pas de casque PC, donc forcément je vois et j'entends ce qui se fait autour de moi et je me fais mon opinion avec ça, mais j'ai pas de casque PC, donc quand on me parle de jeux PC en VR, je ne peux que croire ce qu'on me dit et constater en regardant du plat via YouTube ou etc. Mais je vais rarement dire qu'un jeu est merdique, alors que je ne l'ai pas essayé, si tu veux. Mais là, on parle carrément d'une techno qu'un site spécialisé juge merdique, parce qu'ils ont des a priori. C'est même plus en fait, un jeu, c'est toute une technologie. Juste parce qu'ils ont des a priori et que bah, ils n'aiment pas ça, mais qu'ils n'aiment pas ça, très bien. Mais ça se comprend. Ils ne dénigrent pas de cette manière ils en parlent avec l'impact qu'ils peuvent avoir. Voilà, exactement. S'ils sentent que leur communauté n'aime pas ça, bah, ils n'en parlent pas. Mais c'est là où je me pose des questions sur Internet, finalement, parce que ces gens-là, quand la VR va exploser et fera des millions et des millions de joueurs, ils vont tourner leur veste du jour au lendemain et le public continuera à les suivre. Et c'est là où ça. Je suis complètement... Sans se poser de questions. Certainement, voilà. Parce qu'après, peut-être ils aiment la personnalité et puis ils te diront oui, à l'époque c'était nul, maintenant c'est vrai que c'est devenu... Canard PC, c'est quand même un site de référence. C'est pas des brands qui viennent pas de nulle part. Ils ont une ancienneté, ils connaissent leur sujet au niveau du matos informatique. Il y a pas de problème de ce côté-là. Et c'est ça qui est emmerdant. Des gens qui ont mis des années à gagner une crédibilité et avoir leur commu, et des gens qui les suivent depuis 20 ans. Canard PC, il me semble. C'est super ancien. C'est clair. C'est ça qui est chiant quand tu entends des gens comme ça qui ont quand même du background d'arriver à dire de la merde droit dans leurs bottes et sans être inquiété ou quoi que ce soit. Mais... Et puis de manière collégiale, hein, parce qu'il n'y en a pas un qui va dire l'opposé. Bah, disons qu'il y en a peut-être qui pensent autre chose, mais vu que la tendance elle est dans ça, s'il ouvre sa gueule, il va se faire rabasser par tous les autres. Donc, il y avait eu Gamekult. Il y avait Gamekult aussi qui était un petit peu dans. Quand il y avait quoi, Yukushiro, il s'appelait, qui était rédac chef. Ouais. On se souvient encore de, ils avaient de, son, été un peu de son test de Farpoint. Ouais, ouais. Oh, c'était... C'est rigolo parce que chez Gamekult, tu avais senti qu'il y avait quand même une partie qui soutenait et une partie qui fracassait. Quoi. Ouais, toujours. De toute façon, tu vois bien qu'aujourd'hui, tous ces sites, ils n'en ont rien à branler de la VR parce que personne n'en parle. Ils n'en parlent pas. Mais c'est ça. Tant que ça ne fait pas de vue, c'est pas payant. Il n'y a que les sites spécialisés comme nous, comme ETR. Deliver, du coup, je cherchais le nouveau nom. Deliver, anciennement ETR et d'autres. Il n'y a que par le biais de ces sites-là que tu peux avoir des infos sur la VR. Tu trouves très rarement des infos sur jeuxvideo.com, tu trouves très rarement d'infos sur Gameblog. Et c'est triste à dire pour le coup, parce que c'est nous qui entretenons cette info et cette communauté, mais ça reste du jeu vidéo en général. Ça devrait avoir aussi ces lignes dans les sites spécialisés plus bah, connus et plus impactants que des jeu, sites ouais. comme nous. Quoi. C'est clair. Mais bon, mais bon ça, voilà. ça changera hein, parce que bon, bah, ça changera le jour où comme tu dis ça, l'impact médiatique quand la, quand sera la boîte différent, à pognon sera là voilà, t'inquiète pas qu'ils seront là, tous là hein. Mais là tu vois que le discours il a pas l'air d'être fait par passion, il a plus l'air d'être fait pour faire le buzz et être en accord avec avec sa communauté, je dirais. Non mais plus que pour autre chose. T'as regardé un petit peu la gueule ça des, manque d'objectivité. Enfin je veux pas cracher dans la soupe ou dénigrer le boulot de grande rédaction entre guillemets. Mais t'as regardé un petit peu la ligne éditoriale de certaines rédactions. Je veux pas les citer parce que c'est pas intéressant. Mais t'as l'impression que c'est des sites de promo, de hardware, de jeux. Les articles qui fonctionnent le mieux, c'est ça. Bah, des trucs complètement hors sujet où ça parle de petits micro détails qui sont sortis il y a des mois pour les remouliner et puis les ressortir. Hors contexte et les ressortir maintenant, des trucs qui sont des news complètement périmées. Et en fait, j'ai l'impression que même les gros sites, déontologiquement, ils sont complètement à l'agonie. Hein. C'est-à-dire que là, c'est bon, ils ont plus de face, hein, vraiment pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas honte d'axer leur ligne éditoriale vers un truc complètement putaclic. Mais ça, c'est même plus... Oui, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui marche. C'est même plus caché. C'est triste. Ils sont sûrement rémunérés au clic. C'est du service. Oh, c'est triste. On gagne rien. C'est du service. Des sites comme nous, on gagne rien. Si tu veux, eux, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'être rentables. Ils ont besoin de payer des salariés. Encore, je dénigre pas. Il y a des trucs intéressants qui sont faits dessus. Hein. J'ai jamais lu. Et là, attends, accroche-toi bien. J'ai jamais lu des dossiers aussi intéressants que dernièrement sur jeuxvideo.com. Parce que t'as quand même des rédacteurs qui ont des réflexions et qui les mettent. Mais je suis sûr que les dossiers qui font les trucs chiadés où ils passent des heures et des heures à faire des recherches pour oui, c'est pas ce qui marche. Et c'est pas ce qui marche. Et tu regardes les commentaires. Après voilà, forcément on a les articles qu'on mérite hein, mais tu regardes les commentaires sur JVC en plus bah voilà, c'est pfff. Mais c'est ouais, c'est après, malheureusement, dans la bouche, hein. Là-dedans, c'est du YouTube, tu mets un chat qui fait le con devant un concombre, tu fais des milliards de vues et tu fais un truc super chiadé, ça marche pas. Donc c'est pour ça, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, en fait, maintenant ces attitudes-là me fatiguent au plus haut point maintenant, c'est pour ça que je prends mon pied, je joue, j'emmerde personne, je fais des tests un petit peu sur le site de temps en temps. On en discute là en podcast, mais voilà, avec la portée qu'on a, et ça me suffit largement. Mais cette attitude et ce paysage vidéoludique, que ce soit de la communauté gamer ou des médias spécialisés là-dedans, me fait gerber, quoi. Enfin, je veux dire, tout simplement, je trouve que c'est vraiment de la merde. Ça va pas dans le bon sens. J'ai l'impression que les gens aiment de plus en plus regarder de la merde, des contenus pourris, et ils s'en accommodent bien. Et voilà, donc les médias rentrent dedans. On en parlait tout à l'heure, la vidéo de l'unboxing de l'adaptateur le PSVR. On fait une vidéo de merde comme ça en blague, parce et puis que, ça casse. Que... Mais ça fait marrer. Parce que ça part, ouais, mais ce qui est fou, c'est que c'est une idée qui part le matin, c'est un truc à la con, réalisé l'après-midi à l'arrache, envoyé en loose day, monté en 2-2. Oh putain, soir, les gars, il faut que je fasse une vidéo, j'ai rien à dire. Bah, t'as qu'à faire un unboxing du. Allez, c'est bon, et c'est juste un délire de merde, et puis au final, c'est une de, entre guillemets, une de nos meilleures vidéos, on va dire, concernant le PSVR. Voilà. Alors que bah y a rien. Enfin je veux dire, oui, c'est du rien. Y a rien, c'est juste de l'humour et puis c'est un truc qui a été fait sur le coin de la table. C'est du rage, rien. Quoi. Voilà. C'était même pas un coup de gueule en plus que je voulais passer au départ hein, du tout. Hein, c'est juste que voilà, c'est une lassitude de ma part globale. Plus je suis de mauvaise humeur en ce moment. Tu me coupes non, pas la parole s'il te plaît, sinon je t'en fous une déjà. Calmez-vous. Dans le coin gauche, accusant 90 kilos et plus de cheveux. Non, mais je pense qu'il y a un public. Mais il y a un truc qui me fait rire moi là-dessus, c'est qu'on a démarré le jeu vidéo, on était tous gamins, et qu'aujourd'hui la moyenne d'âge elle est de 40 ans, et je pense qu'il y a un public qui petit à petit se rend compte que ça change justement, que les premiers sites quand ils se sont montés, ils avaient un public à choper et tout ça, et que maintenant, bah, c'est tous des groupes qui sont tellement grands qu'il n'y a plus que la loi de l'audimat, la loi de, bah, c'est le même l'argent. Problème. C'est, voilà, l'argent, c'est le même problème que la presse spécialisée ou BFM Télé ou des choses comme ça, c'est pareil. Cercle vicieux, quoi. Mais c'est exactement ça. Et ces gens-là, je ne sais pas si vous aviez vu, il y avait eu une émission, je ne me rappelle plus comment, il y avait Julien Chiez, il y avait plusieurs invités à l'époque, il y avait le rédacteur en chef de Gamekult. Arrêt sur image, qui parlait justement de ces problèmes-là, de certains développeurs qui essayaient de rincer certains testeurs de jeux en les mettant dans des hôtels 5 étoiles. Laurent, le fameux Dorito Gate. Oui, voilà. C'est quelque chose qui a toujours été là. Quelque part, en fait, si tu veux rester honnête, il faut rester petit. Parce que tu ne dépends de rien. À partir du moment où tu commences à avoir des financements, ces financements vont te mettre une pression pour que tu dises tel truc ou tel truc. Donc c'est triste, mais c'est comme ça. Ouais. Voilà, c'était le moment vieux con. C'était l'instant de la fin. Voilà, on a fait cette émission tout sourire et puis à la fin. Ah non, non, au contraire, moi je trouve ça justement qu'on ait cette. Non, moi j'aime la merde, pas de problème. Non, mais le petit billet d'humeur. On a cette liberté là, nous, parce que si on a envie de dire que ça c'est de la merde, ben, on dira que c'est de la merde parce qu'on a personne derrière. Il y a personne qui nous finance, il y a personne qui va nous emmerder. On ne dépend de personne, on est affilié à personne. Donc si on a envie de dire, on peut le dire que, voilà. On va déranger, on va faire chier, mais on le dira. On peut dire que de manière indirecte, ceux qui nous financent, ce sont nos employeurs respectifs. C'est ça. Puisque c'est exactement ça. Nous y sommes de nos propres deniers, donc. Exact. On va clôturer ça comme ça. On a des sponsors. Quelque part, finalement, le site idéal qui restera indépendant, c'est celui qui sera financé par sa communauté, pas celui qui sera financé par des développeurs, par PlayStation, par Microsoft ou par Nintendo, qui sera pas financé par web media ou des choses comme ça. C'est le site qui arrivera à avoir une communauté qui sera pas non plus en train d'essayer de faire du fric. En essayant de poser toutes les 5 minutes des pubs ou des machins pour gagner un peu plus de pognon, quoi. Voilà. Mais la liberté, c'est ça, quoi. La liberté, c'est être pauvre. C'est ça. C'est beau ce que tu dis. Enfin, pauvre financièrement et riche intellectuellement. Oh, putain, faudra faire des t-shirts avec ça. Voilà. Ouais, je préférerais être riche quand même. Intellectuellement. Allez. Riche mais très con. Là-dessus. Voilà. On finira là-dessus. Merci, monsieur, en tout cas, pour votre bonne humeur, comme d'habitude. C'était un plaisir d'hoster ce soir. Et oui. On se retrouve donc dans 15 jours. N'hésitez pas à nous suivre donc sur le site de vr4player.fr, sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne secondaire VRAC pour des trucs beaucoup plus simples. On retrouve ce podcast donc, sur le site, toujours sur Deezer, sur PodCloud, sur Spotify, sur... j'en oublie toujours Podcast hein, Addict. iTunes, Podcast Addict. Et puis pensez à mettre des commentaires et surtout des étoiles pour noter le podcast parce que c'est bon pour le référencement. Mais ça mange pas de pareil, pain. J'ai beau demander, personne le fait, tout le monde s'en branle. Ça coûte pas d'argent, mais ça nous aide. ça nous aide. Et puis c'est aussi un peu une manière de nous récompenser si vous aimez bien ce qu'on fait. Et puis pareil, partagez, likez nos vidéos, nos articles. Si vous trouvez ça intéressant, partez du principe que d'autres peuvent trouver ça intéressant et le meilleur moyen de leur faire connaître, c'est de partager. Voilà, ça coûte rien, c'est un clic sur un, enfin deux clics, pardon, sur votre smartphone ou sur votre PC ou votre tablette, tout ce que vous voulez. Et puis nous, ça nous aide énormément. Voilà, parce que on peut toucher d'autres personnes et ça peut intéresser d'autres personnes. Et on aime bien toucher les gens. Peuvent prendre plaisir à se faire toucher. On aime le contact. Voilà, exactement. Voilà. Et si vous trouvez ce qu'on fait que c'est complètement nul, laissez même pas de commentaires et barrez-vous ailleurs. Allez vous faire foutre. Ouais. Non, allez pas vous faire foutre, mais vous voyez ce qu'on veut dire, quoi. Ouais. Vous pouvez nous dire si vous aimez pas ça, mais restez quand même correct, courtois et. Ouais, pas comme moi. Et puis on prend toujours plaisir à répondre aux gens en plus quand on nous laisse des coms. On répond pas toujours de suite, mais en général on revient dessus et on répond même si c'est un peu plus tard. Et puis ça reste bon enfant, on est quand même on s'aime bien tous, on n'est pas pour faire chier, on n'est pas là pour faire chier le monde, putain, j'arrivais pas à la sortir ça. Ça reste du jeu, on est là pour s'amuser, on fait ça parce qu'on aime ça aussi et puis pour vous pour que vous ayez un peu de trucs à voir et puis voilà. Voilà. Donc sur ce, merci messieurs. Merci, Majo. À dans 15 jours. Et puis, et bien, amusez-vous bien sur votre PlayStation VR et sur la VR en général. Et bah, jouez en VR et kiffez, quoi. Ça marche. À plus. Et à plus tard. Allez, bisous, ciao. Ciao. Salut. Il était où le gentil Tiyuki ? Où il était le gentil Titoutou ? Il était où, hein ? Il était où ? Où il était le gentil Tikiki ? Et où il est le pépère Wawa ? Yuki, c'était où c'est qu'est son pépère ? Il était où, hein ? Son papa ? Le bon pépère que son kiki préfère ? Et sa mémère alors ? Et sa mémère ? Où elle est la mémère à sa nounouche ? Elle était où, hein ? Sa mémère ? Qui donne du susuk avec la boubouche ? Il était où, hein, le Yuki ? Il était où, le gentil Titoutou ? Il était où, hein, le Yuki ? Le gentil Titoutou, il était où ? Où ça, hein, où ça ? Où ça, hein, où ça ? Où c'est qu'il était son papi et son pépère ? Où c'est Katie ? Où c'est qu'il était le Yuki, le gentil Kiki à mamie ? Où ça, hein, où ça ? Où ça, hein ? J'étais un peu énervé à la fin, non ? Je crois. On a un peu insulté des gens, mais c'est pas grave. On a insulté qui ? On a insulté qui ? Qu'est-ce que je dis ? Moi, j'ai dit un truc à un moment. Enculé, c'est pas une insulte. Non, j'ai dit à Canard PC, mais ça, bah, ferme ta gueule, pauvre con, un truc comme c'est, ça. C'est le podcast. Mais c'est pas une insulte, ça. C'est bon enfant. C'est un conseil, c'est oui, pas oui, une insulte. Ouais, ouais. Non, mais alors, franchement, m'en fous, hein, complet. Non, plus rien. On va pas s'empêcher de dire des trucs. Il est l'heure pour moi de vous quitter. Ouais parce que tirer ta réponse, tirer ta crampe. Attends, je vais arrêter mon enregistrement, moi. Oh là là. Bon, bah, 2h15.